de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux Juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des Juifs. De l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 14. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, nous envoyer une anecdote, un témoignage, nous envoyer une coupure de presse, un lien vers un article en ligne, bien entendu, une vidéo aussi, pourquoi pas, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org, je répète, dempart@dnmx.org. Et on avait fait la promotion la dernière fois d'un projet de réseau social. Si vous souhaitez le soutenir financièrement, s'il vous plaît, référez-vous à vos messages qu'on a mis sur le site à droite. Donc le réseau social, le projet de réseau social, ça s'intitule Identia. D'accord, donc il serait sur Tor, décentralisé, ne pratiquant pas la censure. Ça nous semble être un outil qui va s'avérer nécessaire dans les années à venir. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à ajouter votre pierre à l'édifice, dont possiblement en Bitcoin et autres. Donc si vous vous posez des questions sur la façon de procéder, vous pouvez toujours nous poser une question. Je précise, encore une fois, que démocratie participative n'est pas partie prenante dans le projet en lui-même. On en fait la promotion, mais on n'est pas partie prenante. Voilà, à titre de clarification. Vous l'avez vu aussi, nous avons procédé à des traductions d'articles. Alors évidemment, il ne s'agit pas de traduire l'entièreté du site. C'est impossible, ce serait trop difficile. Mais nous traduisons des textes qui peuvent nous paraître utiles. De par leur dimension en termes d'analyse et le caractère international de l'analyse en question. Donc il y a différentes langues qui sont proposées, y compris des langues non européennes, je précise aussi. Donc vous pouvez, nous vous invitons en fait à vous reporter aux différentes catégories. Dans le menu en haut du site, vous trouvez les différentes langues et là vous aurez le contenu qui s'affiche. Et donc ce sont des articles qui ont un caractère, je dirais, pédagogique. Hein, ce ne sont pas des articles véritablement d'actualité brûlante. Il y aura toujours quelque chose d'un peu, entre guillemets, intemporel dans ces articles-là. Donc, on espère, mais bon, qu'ils vieillissent assez bien. La perfection n'est pas de ce monde, bien sûr, mais vous pouvez donc les partager avec des publics qui ne connaissent pas démocratie participative en dehors donc, de la sphère francophone. L'idée, c'est pas tellement d'attirer un public vers notre site principal, c'est pas ça. L'idée, c'est de prêcher la bonne parole bien au-delà des frontières de la sphère francophone. Voilà l'objectif. Voilà, on essaye de faire pour le mieux. Il y a des langues qu'on aurait aimé pouvoir offrir, mais que nous n'avons pas, y compris l'arabe. Je le dis sans aucune espèce de pudeur, hein, y compris l'arabe, parce que je pense qu'il y a un très large public qui mérite d'être, qui attend, n'est-ce pas, certaines analyses sur certaines questions. Mais l'arabe est une langue complexe à traduire, l'ourdou aussi. Par contre, la plupart des langues européennes sont proposées. Hein, y a l'allemand, le russe, le portugais et d'autres. Voilà donc. Voilà pour ce petit message. Nous proposons aussi des tracts. Alors, partie activisme un peu, pour contribuer à sortir de leur torpeur, le climat s'y prête, les masses de blancs endormis. Alors, s'il s'agit de tirer les gens de leur sommeil, vous comprenez bien que ça ne peut pas être quelque chose de soporifique, donc vous n'avez qu'à vous reporter au contenu des tracts. Vous verrez qu'il est difficile de trouver le sommeil immédiatement après l'avoir lu. On en offrira comme ça régulièrement, de tout type, et vous pourrez puiser dedans pour aller les distribuer un petit peu autour de vous. Alors il y a quand même des consignes de sécurité à respecter. Elles sont précisées avec les tracts. Hein. C'est sur la partie du site qui les met en avant. Donc en termes d'anonymat, etc. Il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, d'accord. Quand même beaucoup de prudence est nécessaire, mais vous pouvez avoir des résultats intéressants. Et je peux vous dire que des gens ont connu le site parce que des auditeurs ou des lecteurs avaient pris l'initiative de photocopier un article ou un élément du site qui avait retenu leur attention. Ils avaient confectionné un tract et ils avaient été distribués à droite à gauche dans les rues, et des gens sont tombés par hasard là-dessus et ensuite sont devenus des lecteurs ou des auditeurs du site. Et c'est l'objectif évidemment du tractage, hein, c'est de faire connaître le contenu du site. C'est pas du tout commercial du tout, hein. C'est que le contenu sorte un petit peu des canaux traditionnels de diffusion. Ça marche beaucoup sur le bouche à oreille, donc comme on veut quand même essayer de convaincre des gens de sortir un petit peu des sentiers battus au plan idéologique, on aimerait que, évidemment, ce qui paraît régulièrement puisse trouver un nouveau public, de nouveaux auditeurs, voilà. Donc n'hésitez pas si vous en sentez l'envie. Et donc évidemment, il y a un côté nazi punk, hein, voilà, c'est clair. C'est pas les tracts de chez maman Le Pen, hein, c'est un truc un peu plus voilà, il y a un peu plus de peps, quoi, on va dire. Vous comprendrez la démarche, de toute façon, c'est dans l'esprit du média que nous animons, hein, bien entendu. Avant de remercier les donateurs sans lesquels rien n'est possible, je vais saluer nos participants de cette semaine. Jean, qui est avec nous. Salut Jean. Salut Gandalf, salut Hydromel. J'espère que tu te portes bien. Oui, on fait aller en ces temps misérable de sécheresse très très hydratée, sécheresse pleine de pluie, on fait aller. J'ai vu un article de Libération qui expliquait qu'il était parfaitement normal en période d'inondation de comment dirais-je, d'être en sécheresse. Oui, absolument. Ce qui est tout à fait logique. Moi, je pense que c'est les méandres de la science. On était un peu habitués avec le Covid, mais là, avec le Covid, ce sera plus marrant parce que le Covid, c'est à l'échelle d'un siècle. Avec le réchauffement climatique, enfin prétendu tel quoi. Notez qu'ils disent pas réchauffement climatique, hein, pas tout le temps, ils disent souvent le changement climatique. Hein. Comment dirais-je, et on en a pour un siècle, 150 ans à peu près quoi. Voilà. Donc courage, hein, courage à nous quoi. Ça va être long. Et aussi avec nous cette semaine, Hydromel. Salut Hydromel. Bonjour Gandalf et bonjour Jean également, et pareillement inondé par la sécheresse, tout comme vous. Eh oui. Alors, on va remercier donc les donateurs. Premier don, chers démocrates, c'est avec plaisir que je vous envoie le Monero du mois de mai. C'est tous les jours un régal de lire vos analyses. C'est Tortue Têtue qui écrit, je dis hein, quand même en préalable. Saine et claire que vous exprimez à la manière de Rabelais. Bah écoutez, c'est un peu usurpé quand même. Rabelais, on va quand même rester à notre place. Mais enfin bon, c'est bien s'il y a des gens qui apprécient. Vous nous faites voyager et rêver. Par exemple, à Mayotte. Cet or noir dans un écrin d'or bleu. Alors, oui, alors, là bon, le courrier de notre auditeur se poursuit, mais quand même, vous savez que Darmanin a entrepris une formidable opération d'expulsion des migrants clandestins de Mayotte, sur lequel j'aimerais un petit peu m'attarder, mais alors, d'après la presse, hein, les résultats tangibles ne sont pas tout à fait au rendez-vous. On nous avait promis 10 000 nègres expulsés. Alors, on va donc expulser 10 000 nègres d'une île à nègres. Moi, j'ai rien compris du concept, déjà. J'ai pas compris ce que j'ai vu la droite française et l'extrême droite française, mais alors, hurler à la mort, hein, en disant il faut absolument retrancher des nègres musulmans d'un territoire rempli de nègres musulmans. Alors, moi, je restais là, mais... Je comprends la notion de volume, mais alors la qualité, je voilà, le ok, le volume ok, mais la nature de ce qu'on vide, c'est que c'est à peu près la même chose, ça change rien quand même. Bon, je sais pas, je devais être un peu, c'est moi c'est dans ma bulle qui ne comprend pas tout. Mais alors, apparemment, c'était crucial. Et alors, la presse dit non, mais bon, finalement, c'est ça patauge. Il y a de très nombreux recours devant les tribunaux. Les juges jouent pas le jeu. Ils jouent plutôt le jeu de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, ils refusent les expulsions, etc. Alors, du coup, bon, ça risque de traîner en longueur, cette opération spectaculaire, dont on nous disait pourtant que ça allait pulser. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez une déception à partager avec nos auditeurs, qui, j'en suis sûr, sont soucieux hein, du sort de Mayotte. Qu'est-ce que, éventuellement, que ce soit Hydromel ou que ce soit Jean, ou vous en avez rien à foutre, c'est possible aussi hein. Simplement merci Sarkozy pour ce beau cadeau qui ne cesse de livrer de nouvelles fantastiques. Ouais, pas de plus, rien de plus. Okay. Moi je dirais remplacer des noirs musulmans par des noirs musulmans. Bon, en fait c'est pas un remplacement, c'est un ajout. Et c'est un ajout. Bon, bah, ils nous en ont ajouté. Bon, ils nous ont promis qu'ils allaient en retirer 10 000, mais finalement, non, de ce que j'ai compris. Parce que je découvre un peu le sujet. J'ai entendu un peu parler de l'histoire, mais sans plus. Oui, alors, je précise que si cette opération était couronnée de succès, hein, on verra. En un an de natalité mahoraise, c'est effacé, hein, puisqu'il y a 11 000 naissances par an à Mayotte. Hein. Donc, on a déployé 2 000 gendarmes pour procéder à cette expulsion. Ça ne sert à rien. À la fin de l'année, on en aura quand même gagné 11 000 de plus. Donc, voilà, 1-0, la balle au centre. Un partout, la balle au centre, comme on dit. Hein. Mais, donc, voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir des négresses en boubou parlant la même langue que leurs frères de race comoriens et frères en religion comoriens, pour dire qu'il y en avait assez, la France, il y avait des drapeaux français partout, et qu'il était grand temps de les dégager, donc de dégager en fait leurs voisins, qui sont aussi leurs cousins germains, hein, même leurs frères, parce qu'ils expliquaient bien, d'ailleurs, je me suis renseigné là-dessus. Donc, excusez-moi, mais je suis juste en rire. Mais donc quand la gauche métropolitaine traite du sujet, évidemment, ils sont scandalisés contre l'opération, mais parce qu'ils veulent un maximum d'immigrés. Bon, peu importe. Ils veulent annexer toutes les Comores, c'est pour ça. Non, même pas. Bah, si seulement. Non. Simplement, ils expliquaient que la France avait créé un mur de Berlin. J'ai bien aimé l'expression, mais qui est très réel, parce qu'en fait, en décrétant l'interdiction des allées et venues. Le problème, c'est que comme c'est les mêmes gens, effectivement, c'est les mêmes familles. Donc, t'as des gars, ils peuvent pas se voir à cause de ça. C'est comme du temps du mur de Berlin. Et c'est factuel. Donc, c'est le côté absurde de la situation où on a créé les Français avaient planté un drapeau au milieu du 19e siècle sur ce caillou dont on se foutait à l'époque. Il y avait trois nègres, quoi, sur cette zone, vous voyez. Mais maintenant, tout a changé avec la natalité. Africaine en général et dans les Comores, donc là c'est le cataclysme en fait. Donc c'est ça qui change beaucoup la donne, d'accord. Alors comme ils sentaient qu'il y avait de la déstabilité, comme c'est ce que t'as cité Sarkozy, c'était ça. Sarkozy avait dit bon ben on va départementaliser en fait on va annexer formellement. C'est pas juste une possession des dom-toms, on va carrément en faire un département français pour que ce soit gravé dans la, en fait pour que ce soit protégé même par l'arme nucléaire française. C'est jusque là que ça va. Hein. Sauf qu'évidemment, qui dit département dit CAF, hein. Eh ouais, caisse d'allocation familiale. Et on est obligé de les mettre au niveau, aux standards sociaux de la métropole. C'est une obligation légale, hein. Donc, ils disent, voilà, moi, je veux me faire soigner, moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Ils ont juste qu'à aller voir les assistants sociaux et, il faut fournir. Ça coûte des milliards. Ça coûte des milliards et ça ne peut pas s'arrêter. Ça peut pas s'arrêter. Et donc, voir ces négresses en boubou à l'Assemblée ou dans l'île, Yeah, il faut arrêter, il faut les foutre dehors, etc. Mais qui, pendant ce temps-là, elle, continue à faire des chiés de gosses. et pour lesquels il faut tout payer, je veux dire. C'est, bon, je me suis... Et je n'ai trouvé personne dans le spectre politique français, sauf à l'extrême gauche, pour dire, mais et si on décolonisait, en fait? Et c'est là que je me dis, la gauche radicale commence à devenir subversive, parce qu'en fait, la gauche radicale dit ça, en fait, par détestation de tout ce qui est vaguement français, en fait. Mais ça arrive qu'une horloge pétée donne deux fois l'heure correctement, et c'est vrai que pour les finances françaises, enfin des Français de souche, je veux dire, pour les portefeuilles des Français de souche, larguer ce caillou serait pas mal. Mais je crois pas que ce soit possible aujourd'hui, parce que c'est un département, donc non. Donc il va falloir couler avec Mayotte. Alors bon, c'est voilà quoi, voilà. Mais alors donc je parce que il y en a les Français s'en foutent en fait des cailloux comme ça qu'ils ont à droite à gauche, ils s'en soucient pas. Donc il y a des tas de trucs qui passent sous les radars des Français qui vivent en France continentale quoi. Ils s'en foutent quoi. Et ils savent pas qu'il y a des milliards comme ça qui vont dans ces îles. Et il ne se soucie pas de ce qui est investi en termes d'infrastructure, c'est considérable. Et ils sont en train de construire un deuxième hôpital à Mayotte. La maternité qui est, je cite la presse, la plus grande d'Europe par son activité sature. Donc au bout d'un moment, va falloir poser la question de l'ouverture d'une deuxième maternité. Ils vont agrandir la piste pour évidemment... nous envoyer les enfants du miracle en métropole. Je peux vous dire que c'est déjà en cours, hein, parce que il faut comprendre que Mayotte représente grosso modo approximativement 10% d'un département de base français en termes de superficie. C'est tout petit. Et ce territoire est passé en un peu moins de 20 ans de 200 000 à 300 000 habitants. Les projections démographiques sont à peu près unanimes pour dire que d'ici 2050, il y aura plus d'un demi-million de personnes sur cette île. Encore une fois, pour la taille du territoire dont j'ai parlé. Avec des obligations légales et constitutionnelles de la part de la métropole à l'égard de ces populations, en termes de soins, d'éducation, ou prétendu tel, hein, d'infrastructures et autres, quoi. Donc, c'est pas tenable. On a créé une bombe démographique, ok? Et donc, bah, le réflexe des autorités françaises, faut pas se mentir, ça va être de verser le trop-plein en métropole. Hein. C'est évident. Et moi, de l'expérience, je sais que c'est déjà le cas, mais ça va s'intensifier, quoi. Et voilà, donc je pense que les Français sous-estiment grandement la catastrophe mahoraise, parce que vous êtes sur un rythme de reproduction cellulaire, là. Hein. C'est-à-dire que ça double tout le temps. Ça double tout le temps. Cette île, c'est de la folie furieuse. Et ça vient de partout. Ça vient d'Afrique. Ça vient du sous-continent indien. J'avais vu que des Maghrébins qui voulaient rejoindre l'Europe, ne pouvant passer en Espagne, prenaient l'avion direction l'Afrique de l'Est pour prendre le bateau direction Mayotte et ensuite repartir par là, se faire régulier et repartir par là vers la métropole. C'est hallucinant. Mayotte, c'est hallucinant. C'est un sas incroyable, Mayotte. Donc voilà. Au passage, quoi, je veux dire, je voulais juste évoquer ça parce que ils ont beaucoup annoncé. C'était une manœuvre de Macron, quoi, parce que sur l'immigration, il sentait que ça pêchait un peu. Donc il a fait un gros effet d'annonce. C'est facile de faire du chiffre parce que quand tu tapes à Mayotte, bah, en fait, il y a que des noirs. Donc quand t'arrêtes des gens, t'es sûr de gagner au loto, quoi, tu vois. Et tu peux dire à la fin de l'année, bah, vous avez vu, on a fait tant d'expulsions d'OQTF. Vous voyez, c'était ça le but de la manœuvre. Et bah même ça, ça marche pas en fait. Voilà. Donc je voulais vous le dire, je voulais le dire à nos auditeurs en passant. Bon. C'est marrant, t'as entendu un son de cloche de la gauche, comme quoi il faudrait lâcher ce caillou. Mais moi j'ai entendu l'opposé, mais à droite, en disant Mayotte est et restera française pour toujours, parce que c'est ceux qui sont attachés aux vestiges de l'Empire en fait. Donc, j'ai vu Julien Oudoul du RN parler comme ça dans la salle. Ah bah c'est peut-être lui, je me souviens plus. Enfin bref, j'ai vu passer un truc comme ça. Et concrètement, bah c'est ça en fait, ils sont attachés. Comme la France, c'est deuxième espace maritime, etc. ça s'inscrit un peu dans cette logique-là de leur point de vue. Voilà. Après, voilà. Faut voir les conséquences que ça a sur le remplacement de population. Bah, ils sont, C'est des... bah, les grands décideurs s'en foutent. C'est-à-dire que vous pensez bien que depuis 60 ans, ils ont démontré, les décideurs français ont montré qu'ils s'en foutaient complètement des conséquences de l'immigration de masse. Donc oui, il y a des histoires d'or bleu, de pétrole. Enfin, c'est des châteaux en Espagne, tout ça, d'accord? Ça ne se matérialise jamais, ça ne se matérialisera jamais. Mais ça fait rêver les Français, mais en même temps, il faut dire aux Français un truc. Hein, je veux dire, si même ils trouvaient du pétrole... C'est pas le petit Français dans son pavillon qui enverra jamais un pouillème de... Il touchera rien là-dessus, je veux dire, faut que ça soit clair. C'est la clique au pouvoir qui se partagera ça, foutra ça sur des comptes offshore à l'étranger. Enfin, c'est comme ça que ça marche, hein, je veux dire. Donc, quand bien même tu pourrais espérer un jour trouver un demi-baril de pétrole, crois-moi bien que c'est pas le prolétaire français qui en retirera les bénéfices. Et de toute façon, il n'y aura jamais de pétrole. Mais c'est fait pour tenir en haleine. Voilà, il y a ce genre de truc, là, voilà. Mais le coup est cataclysmique. C'est cataclysmique. Et alors bon, il y a des gens qui faisaient bien valoir. Il y avait un très bon article d'ailleurs qui était passé dans Mediapart de 2017, qui n'était, c'était sur le blog de Mediapart. C'est pas la rédaction de Mediapart. Hein, c'était quelqu'un qui avait un blog sur Mediapart et son article était, il aurait mérité d'être lu, mais il faisait litière de toutes les mystifications autour de cette île, en passant justement sur le pétrole, tout ça, sur les intérêts stratégiques militaires. Ils disaient, il suffit de faire un accord. Comme on en a fait ailleurs, de planter une station radar sur une petite zone, et voilà. Enfin, je veux dire, vraiment, il passait tout en revue, il disait, c'était une catastrophe. Et en plus, ce qu'il expliquait, qui est trop peu dit, et qui est même pas, évidemment, Marine Le Pen, c'est un réservoir de voix pour elle, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Ce qu'elle disait pas, c'est que ces Mahorais, là, qui sont en train d'agiter le drapeau français, haïssent les Blancs. Absolument, ouais. Ouais, il y a des chasses aux blancs, à Ouais. Mayotte. Il y a des chasses aux blancs, des chasses aux métropolitains. Attention, hein. La détestation, la haine du blanc, que les Français qui nous écoutent se trompent pas, hein, qui se disent pas, ouais, mais ils agissent drapeau tricolore, ils veulent la protection de la France, des Français, c'est nos bons nègres. Non, non, non, non, non, non, non. Ils veulent votre argent, mais ils vous haïssent, hein, racialement. Hein. Et il y a des, il y a des, y a... et en fait, et en plus, ce que disait très bien cet article. Il disait que c'était la haine anti-blanche était exponentielle, c'est-à-dire que ça s'envolait, les manifestations d'hostilité contre les blancs à Mayotte. Et moi qui ai connu aussi beaucoup de gens qui ont transité par la Réunion, qui ont vécu à la Réunion, ils le savent, hein, ce qu'ils appellent les oreilles, donc les blancs, ils sont absolument détestés des bamboulas locales, hein. Donc là, on est à la Réunion, on n'est pas à Mayotte, d'accord, mais ils sont détestés. Détestés, hein. Donc c'est ces gens-là qui nous font les poches, c'est ces gens-là qui demandent oui, protection truc, mais je peux vous assurer, hein, que quand ils vous ont entre quatre murs, ça se passe très mal, hein. Donc voilà, donc et là t'arrives, mais c'est facile de circonvenir l'extrême droite, parce qu'en fait tu t'es juste avec un tricolore, en fait c'est tellement plus à la page d'agiter un tricolore, sauf pour pour la Coupe du Monde. Quand il y a un nègre qui joue avec son tricolore, toute l'extrême droite est en pamoison, ils sont là, génial, fantastique, sortez le chéquier, qu'est-ce que vous voulez, mon bon ami, et on paye. Voilà, bon, voilà, c'est ma petite. J'y reviens à chaque fois, mais j'estime que c'est important de réinformer les Blancs de France continentale sur ce que le gouvernement français fait avec leur argent. Au profit de populations fondamentalement hostiles, qui nous coûtent une fortune et qui sont des nuisibles en puissance. Parce qu'ils vont forcément, et j'en termine là-dessus, ils vont forcément atterrir en métropole. Forcément. Regardez combien de Comoriens il y a à Marseille. Regardez les incidents avec les Mahorais qui sont installés. En métropole, il y a des faits divers, il y a des filles qui ont été violées, assassinées par des Mahorais. Vous pouvez taper ça dans Google Actualité, Mahorais, crime, meurtre, homicide, assassinat, etc. Vous allez trouver tout ce qu'il faut trouver. Ils vont nous en importer de plus en plus. Les dirigeants français vont nous en mettre de plus en plus. C'est inévitable. Parce que sur place, ils vont dire, tout explose. Ils vont dire, on n'arrive pas à faire face, il y a trop de naissances, il y a trop de... Bon. Au bout d'un moment, vous savez ce que va faire le préfet local, il va s'adresser à Paris, il va dire, bon, écoutez, là, il faut qu'on trouve une solution, c'est pas possible, il faut qu'on désengorge, il faut qu'on ventile. Et là, on va nous faire une politique de peuplement, comme dit Emmanuel Valls. Comme disait Emmanuel Valls. Et là, bah, vous savez ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Donc, je voulais quand même le dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou je poursuis sur le courrier de notre cher Tortue Têtue ? D'accord, je poursuis donc. Ça fait un peu le lien, d'ailleurs. Alors, il a une question. Ces dernières années, le culte de l'éther nègre est devenu pleinement mature. Nous déposons chaque jour au pied de sa majesté nos remords, nos louanges, notre argent et nos filles. Avec les nègres, comme avec les juifs, ce processus ne peut être que sans fin et sans limite. Alors je me demande, combien de temps nous reste-t-il avant que des blancs ne deviennent les esclaves des nègres, en réparation de la traite négrière. Pas forcément pour toujours, peut-être pour quelques semaines, si Dieu leur prête vie aussi longtemps. J'imagine certains choisir volontairement cette voie qui leur permettrait de jouir de leur soumission et de leur repentance, et en un mot, de leur vertu, et d'avoir une belle histoire à raconter ensuite sur leur fil Instagram. D'autres pourraient y être conviés en complément d'un stage de citoyenneté après avoir exprimé des pensées non conformes. Qu'en pensez-vous ? Verrons-nous la logique actuelle aller à son terme ? Qu'en penserait le cardinal ? Longue vie à toute l'équipe, et c'est signé Tortue Têtue. Alors malheureusement le cardinal n'est pas là, je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire. Alors en préambule, je dirais juste que nos lecteurs ont peut-être vu un article qui est paru sur le sort qui a été fait aux Français d'Haïti à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. C'était en référence à un hommage qui a été rendu par Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours, deux semaines, à Toussaint Louverture et à la Révolution haïtienne. Malheureusement, les Français, trop souvent peu informés, ne savent pas exactement de quoi il s'agit, Emmanuel Macron préférant mettre l'emphase sur l'abolition de l'esclavage à Haïti. Alors c'est bien dommage qu'il n'ait pas donné les détails de la révolution haïtienne. Ça aurait peut-être, déniaisé beaucoup de Français sur effectivement ce qui les attend au terme donc du processus de réparation et de demande d'excuses, hein, parce que vous savez que comme avec l'Allemagne avec les Juifs, hein, on connaît ça, hein, il faut s'excuser, hein, il faut d'abord condamner les coupables, ensuite dans un procès spectacle, après il faut s'excuser, ensuite il y a les réparations, etc. Alors est-ce que par hasard, vous pensez-vous que on va aller au bout de la logique, comme dit Tortue Têtue, c'est-à-dire on avait vu un pic de haine là quand il avait s'agit quand des bandes de nègres s'étaient rassemblées au pied de l'assemblée pour arracher la statue de Colbert, si vous en souvenez. Donc on avait eu là une petite fièvre haïtienne là cette fois-là. Mais le nègre de la LDNA, depuis, il s'est calmé. Je crois que les Juifs l'ont calmé. Parce que c'était lui, je crois, qui faisait de l'agitation autour de Colbert. Pas que lui, mais lui, il en était, oui. Oui, parce que je crois qu'il a, il a passablement déplu à quelques Juifs avec des déclarations. Parce qu'au bout d'un moment, il a... Oui, il a... Il s'est senti pousser des ailes. Voilà, puis on les lui a coupés. Tu vois, ceux qui lui en avaient donné lui ont coupé. Tu vois, non, ça marche pas comme ça. Sur les blancs, tant que tu veux, mais là, non. Voilà, ouais. Donc, mais on avait senti quand même, hein, que l'heure des comptes. Alors, tout ça était lié aux États-Unis. C'est là que ça montrait, en fait, qu'on est notre destin est quand même très corrélé à celui de l'Amérique. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des pics de fièvre nègre aux États-Unis, c'est communicatif en France. Hein. Donc... Oui, c'est ça. Tout ce qu'il y a eu autour de George Floyd, c'est exactement ce qui est décrit dans le courrier ici. Tu voyais des blancs qui s'agenouillaient, et ça a été une vague dans tout l'Occident. Tu as eu des États-Unis, en Europe, en Hollande, en Angleterre, partout. Tu voyais des blancs qui se mettaient à genoux, qui baisaient les pieds des nègres. C'était absolument effarant, exorbitant, parce que ça leur a pris d'un coup. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est la puissance de l'évocation médiatique. Il y a un nègre qui se fait mettre le genou sur le cou et ça y est, l'Occident part en montée de lait, explosion hormonale. Oui, c'est bien de le dire. Ouais. Ouais. Explosion hormonale. C'est, ouais. C'était particulièrement impressionnant là, ce qui s'est passé. C'était quoi en 2020, c'est ça, 2021? Bah, c'était habilement instrumentalisé. Enfin, bon, pour le coup, l'incident n'était pas téléguidé, mais la récupération tombait parfaitement pour Biden, hein, et donc les médias pro-Biden, qui étaient de manière très écrasante, étaient en sa faveur, ont gonflé l'affaire à fond. Et Black Lives Matter existait déjà en 2015, hein. Mais ça n'avait pas pu. Comme Trump était un peu un météore et personne n'avait trop calculé, ils n'avaient pas vraiment. Ils pensaient que Clinton allait gagner facilement. Donc en fait, il y avait un peu Black Lives Matter, truc, machin, mais c'était vraiment à bas régime. Alors en 2020, donc en 2019, à la veille de dans l'année électorale, là, ils ont mis le paquet, quoi. Et ils ont. Enfin, Soros a mis de l'argent, etc. Donc c'est pour ça qu'ils étaient calés. Et ils attendaient ça, je pense. Ils attendaient un incident, en fait, qu'ils auraient de toute façon gonflé. Mais enfin, ça a été idéal, quoi. Un blanc, le genou sur le cou. Enfin, c'était voilà. Et ça a été une conflagration. Hein. Et là, parce que les gens se moquaient de nous, ou rigolaient, ou pensaient que c'était vraiment l'ironie totale, tu sais, l'éther nègre, quoi que c'était. Et tout d'un coup, ils ont putain, non, mais en fait, c'est vrai, c'est une vraie religion. C'est une vraie religion. Ouais, ouais, là où il est mort, George Floyd, à Minneapolis, il y avait des gens qui se faisaient baptiser ouais. de cette espèce ouais. de religion. On les voyait défiler, c'était vraiment lunaire. Hein. J'ai vu des blancs en groupe qui faisaient des bisous sur les chaussures d'Africains. Hein. Vous avez pas vu ce genre de vidéo ? Si, j'ai vu ça. Mais ouais. ce qu'il disait, c'était encore ce dont parlait Jean est beaucoup plus révélateur. Hein. L'association, le baptême. Alors qui dit baptême, hein, c'est la rédemption, hein, c'est demander. Voilà. Donc ça, ils avaient effectivement un endroit pour se baptiser. Il y avait des fresques et en fait, il a été George Floyd. Ce que vous avez vécu là, ça se passait au Moyen-Âge en Europe, avec les saints. En fait, quand il y avait quand une personne, donc un homme d'église, bien entendu, était réputé saint, et qu'il était finalement canonisé par l'église, il y avait des rassemblements de masse comme ça, comme ce qu'on voyait là, à l'endroit où il est mort. Mais vraiment, il y a des témoignages là-dessus, hein, et tout le monde essayait de toucher les reliques, parce que les gens étaient convaincus qu'en touchant les reliques, ils pouvaient guérir de ceci ou de cela, etc. Donc on était vraiment dans la magie pure, hein, dans l'esprit magique pur. Et donc il y avait des immenses masses qui s'agglutinaient, etc., une effervescence délirante, et comme ça de fièvre, quoi, qui s'emparait des populations. Et ce qu'on a vu là, alors évidemment, c'est pas dans un cadre religieux au sens strict, encore moins catholique, hein. Mais on a vu ça, on a vu donc la sanctification du martyr, on va sur le lieu du martyr, donc il y a des fresques, etc., on se baptise sur place, donc il y avait des pasteurs qui baptisaient, il y avait des séances de méditation de yoga aussi, je sais pas si vous avez vu ça, des espèces d'exercices transcendantaux, etc., pour tout ça, vous pouvez aller sur YouTube, je vous raconte pas de crack, hein. Vous regardez ça sur YouTube, à l'endroit où il a été tué, là, et il y avait des micro-trottoirs, on demandait aux gens, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes venus, et tout, et tu vois des types, ils ont le visage illuminé, quoi, comme dans les sectes, je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui appartenaient à des sectes, comme ça, ils sont complètement, vous avez l'impression qu'ils ont consommé de la drogue, alors pour certains, ils ont consommé de la drogue, mais pas tous, ils sont ailleurs, quoi. Ils sont vraiment ailleurs. Hein. C'est un shoot émotionnel, quoi. Et ils sont transportés par le shoot émotionnel, quoi. Bah, dans un autre registre, mais en Europe, il y a eu tous les joueurs de foot qui ont posé pendant presque un an leurs genoux à chaque début de match. Bon, je crois que la sélection d'Angleterre le fait encore. Ouais, c'est pour dire ça, c'est quand même marquant. Ça traumatise toute une génération, quoi, de devoir poser le genou pour des histoires pareilles. Il y a qu'une sélection, je crois, en Europe qui l'a pas fait, c'est la Hongrie. Les joueurs hongrois ont refusé de le faire. Ouais, bon, ça s'éloigne un peu du côté sectaire qu'il y a eu à proximité du lieu de pèlerinage, mais bon, il y a une connotation quand même, poser le genou, c'est un peu une connotation religieuse également. Bah, y a des gars qui ont dit ça. Ils disent, je pose le genou que devant Dieu, en priant, etc. Quoi. Et en fait, il y a des gens qui ont joué à l'argument religion. Ils ont utilisé l'argument religieux. Tu vois, il y a des mecs qui s'en sont sortis comme ça. Quoi. Ils ont dit, non, moi, je ne pose un genou à terre que devant Dieu. Quoi. Bah, voilà. C'est super compliqué, je pense, pour un blanc de refuser de poser un genou. Quand tu es dans une équipe majoritairement africaine, tu es blanc, tu refuses de poser le genou pour George Floyd. Tout de suite, tu te prends les foudres du staff, de l'équipe, tu te fais exclure du groupe, en fait, finalement. Dans un autre registre, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça se passe à Guingamp. En avant Guingamp, en avant les nègres. C'est Donatien Gomis. C'est un autre registre, d'accord. Donc, c'est pas sur le culte à l'éternel, donc c'est vrai que c'est une digression. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un oukase à la soumission. Et alors, la Ligue 1, je crois la Ligue 2 aussi, ont intimé l'ordre au club et aux joueurs de porter un maillot glorifiant l'anal et la pédophilie homosexuelle, ce qu'on appelle traditionnellement le LGBTisme, quoi. Et tu le portes ou sinon t'es la bête noire, tu vois. Donc, je lis la presse, je regarde ce qui se dit, ok, et il y a quelques... Et c'est souvent des... ils ont dit, en fait, apparemment, c'est surtout les joueurs sénégalais qui bronchent. Et Donatien Gomis, avec un nom pareil, en fait, n'est pas musulman. On me corrigera si je me trompe, mais il n'est pas musulman. Mais c'est simplement que les nègres d'Afrique ne supportent pas l'homosexualité, quoi. Ce que je comprends, bien sûr. Mais... le ton de la presse, c'était quelles vont être les répercussions pour ce joueur? Genre, tu sais, c'était un langage de mafieux. Et ils étaient là, ils disaient, ouais, bon, là, il n'y a pas de loi en vigueur qui permette de sanctionner. En fait, donc il n'y a rien, c'est juste de la pression sociale. Tu vois, le joueur dit non, mais je porte pas ce maillot, j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà, et en fait c'est le staff de Guingamp qui a dit bon bah tu restes sur le banc à ce moment-là, mais en fait il pourrait très bien jouer avec un maillot normal. Il y a rien dans le règlement qui punit un joueur qui refuse de porter ça. C'est juste de la pression. Et ça recommence tous les ans leurs histoires là de maillot arc-en-ciel. Bien sûr. Chaque fois. Au printemps, là, il y a au début c'est la journée arc-en-ciel, ensuite c'est la semaine, le mois, et puis c'est au début du printemps, c'est quand les beaux jours arrivent, c'est pile poil au moment en fait des rencontres finalement. Bah oui, quand les jupes des travelots raccourcissent, quoi, tu vois. C'est pour empêcher les couples normaux de se former, quoi. Ils sont. C'est toujours non, mais bon, enfin, on sait très bien à quoi ça mène, mais. Pour dire que ça suit le même processus, c'est-à-dire que tu dois te soumettre, si tu te soumets pas, on va te menacer. Alors évidemment, Gomis, il aurait été très content que ce soit pour Black Lives Matter, hein, ouais, pour les nègres, pour sa race, mais comme c'est le même schéma, ça s'applique aussi aux fiottes, quoi, tu vois, donc ça... Les noirs croient marquer un point, et puis en fait, on revient les voir, on leur dit « ouais, mais il y a les PD aussi », tu vois. Donc voilà. Donc c'est alors pour en revenir au culte de l'éternel, bon bah déjà effectivement il est bien en place. Les médias cultivent à fond la haine du blanc. Bon, les médias, vous savez très bien qui c'est qui les contrôle. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est toutes les semaines. Le dernier truc en date qui a fait du bruit, c'est Cléopâtre avec Netflix. On en a parlé. Mais il y a constamment cette haine du blanc qui est inculquée à des noirs qui ne demandent qu'à justement être convaincus de ça. On leur a la traite négrière, etc. Et ça vient d'Amérique. Je veux dire, tout ce discours, ce système de pensée, ça vient d'Amérique. Et c'est consommé massivement par les nègres qui vivent en France. Et je crois que justement, il y a un message à adresser à toute cette droite antiraciste. C'est que tous ces nègres qui vivent en France, ils sont physiquement en France, mais leur tête, elle est aux États-Unis. Ces gens-là, ils vivent mentalement aux États-Unis. Ouais, ils ont un pied à la Mecque, pour les musulmans, et l'autre aux États-Unis, quoi. C'est ça leur univers mental. Hein. Ils sont physiquement, oui, ils sont à Vaux-en-Velin, voilà, mais ils sont pas en France. Donc, vous avez des gars qui sont en France, ils sont là, ce sont d'origine africaine, ils ont les papiers, ils sont installés, ils ont la nationalité et tout. dans leur tête, c'est les États-Unis. Donc quand t'as un merdier qui arrive avec des nègres aux États-Unis, aussitôt t'as les influenceurs américains, donc les noirs qui vont envoyer les slogans, les trucs, les machins, parce qu'ils ont quand même une puissance de feu médiatique énorme, hein. Les noirs américains, c'est enfin les grands rappeurs, les grands acteurs, tous ces mecs-là, ils ont une influence énorme. Donc quand ils donnent un mot d'ordre, tous les noirs de l'Hexagone, comme un seul homme, ils réagissent, quoi. Et en plus, le gouvernement américain, plus exactement le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères, joue un rôle délétère parce qu'il recrute des gens, des noirs, pour servir de relais d'influence au Parti démocrate américain. Donc, et ces gens-là, en fait, la CIA et l'ambassade des États-Unis disent, bon, bah, celui-là, il va sur ce plateau de télévision-là, il va sur cette radio-là, il va... et c'est comme ça que ça marche. Les Français savent pas tout ça. C'est comme ça. Rokhaya Diallo, si elle est dans les médias, si vous la voyez à droite à gauche, c'est parce que la CIA dit elle est là. Oui, et puis ça c'est pas des propos de complotistes, parce que c'est officiel. Les Américains ont une doctrine depuis au moins les années 2000. Je sais que Valeur Actuelle, à la fin des années 2000, je me souviens avoir lu un dossier de deux sur le rôle de l'ambassadeur Rifkin dans. Juif, hein. Précisément, oui, dans précisément la négrification et l'arabisation de la France, ils ont fait des plans et ils ont écrit noir sur blanc, voilà, la France a une identité trop forte, elle refuse trop les produits américains, les fast-foods, toutes nos merdes, donc il faut qu'on les remplace, il faut du nègre, il faut de l'arabe, parce que eux, ils ont aucune réticence à consommer nos produits, ils achètent nos Nike, ils achètent tous nos trucs. Et donc c'est un plan totalement voulu, et puis ils sont beaucoup plus serviles et facilement impressionnables aussi, comme tu dis, Rokhaya Diallo, Ramayad et ainsi de suite. On les invite à Washington, on leur paye une bouffe et puis ça y est, on les a dans la poche. Donc c'est sûr que c'est une stratégie qui pour l'instant s'avère payante, hein. Ça marche très bien. Bah, ça leur donne des étoiles dans les yeux, parce qu'en fait, les nègres les plus méritants, donc les nègres, bah, je reprends une formule de Malcolm X, les nègres de maison, c'est ça qui est marrant, parce que vous prenez Rokhaya Diallo, elle a un discours qui prétend combattre le racisme, l'establishment blanc, en France. Mais en fait, c'est bien une négresse de maison. Parce qu'elle est cooptée par la CIA, le département d'État. Et je vous assure que ceux qui contrôlent le département d'État et le Parti démocrate circoncis ne sont pas des Noirs. Et on leur dit, c'est vraiment pas mal. Hein. Et hop, comme tu l'as dit, on t'invite aux États-Unis et tu vas peut-être rencontrer, tu vois, tes idoles. Tu vois, Barack Obama, truc, voilà. Et tout d'un coup, ces Noirs-là, ils ont l'impression de vivre, tu vois, l'American Dream, tu vois. Ça y est, c'est bon, quoi. J'en suis, quoi, tu vois. Et pour une négresse ou un nègre qui a le droit au ticket, bah, t'en as des millions d'autres, si tu veux. Ils restent zonés en France, quoi. Et ils sont juste les faire-valoir de ces mecs-là. Tu vois, c'est assez triste, parce que c'est quand même de la culturation de masse. Ils sont captifs de rois nègres qui sont faits par les États-Unis, hein, mais je veux dire, comme en Afrique, quoi, voilà, c'est-à-dire les Américains disent, bah voilà, ça c'est ton roi, tu vois, ou ça c'est ta reine, quoi, voilà, bah là c'est Rokhaya Diallo, voilà, c'est ça, c'est, voilà, elle te représente, les Noirs, ils sont là, bon, bah, de toute façon, c'est pas eux qui décident, donc, ok, d'accord, on leur fait des films à la con, qui sont le dernier truc, Wakanda Forever, c'était vraiment anti-français, quoi. C'était vraiment je crois qu'ils ont mis des militaires français qui étaient jugés par des uber nègres du Wakanda. C'est en plus c'est des femmes, c'est donc il y a un discours féministe qui est hallucinant, parce qu'en plus ils sont dans un truc aux États-Unis, c'est l'afro-féminisme. Moi je souffre pour les hommes noirs, je veux dire, c'est je sais pas comment ils font, mais je veux dire, ils auront même ils auront même pas pu être les patrons de leur race, tu vois. C'est les Juifs vont directement mettre en situation les femmes noires, exactement comme ils ont fait avec les blancs, avec les femmes blanches. Mais pareil, quoi. Et alors on leur fait des films là-dessus. Et donc c'est des femmes fortes et indépendantes noires dans Wakanda Forever, toi, qui mène le bal. Les noirs qu'il y a autour, les hommes, ils sont super musclés, mais en fait, ils sont obéissants comme des toutous, quoi. Et donc la négresse en chef, elle dit tu vas là. Alors le noir, il obéit docilement, tu vois. Et là, ils amènent des soldats français qui ont été capturés, machin, en disant qui viole les gosses, tout ce que tu veux, quoi. Mais ce qui cartonne en Afrique. Ce qui cartonne en Afrique. Très bien que l'armée française ne puisse plus foutre un seul orteil en Afrique. On s'en portera beaucoup mieux. Très bien qu'ils fassent leur film de haine contre l'armée française et qu'ils les diabolisent et que ces abrutis de politiciens français, ils se retrouvent avec des militaires qui veulent plus y aller parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Moi, je dis très, très, très bien. Qui continue, là, on est sur du bon. Bah, c'est en train de se passer, mais... voilà, enfin, faut voir dans quel univers mental évoluent les noirs. Alors comme les blancs qui nous écoutent, même les, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent ouais bon, DP c'est pas mal, il y a des trucs qui disent c'est juste et tout, mais je suis quand même pas aussi hardcore au niveau race, etc. Ok, admettons, mais vous vivez pas dans la tête des noirs hein, et vous pourrez jamais vivre dans leur tête. Hein. Non, bah, j'admets pas. Non, mais je veux dire, voilà, donc il y a des gens qui peuvent trouver que ce qu'on dit c'est excessif, c'est caricatural, c'est. Mais je vous assure que les noirs fonctionnent pas comme vous. On est en deçà de la réalité. Il faudrait lire à l'antenne des récits de ce que les noirs ont fait aux blancs à Haïti ou dès qu'ils se sont retrouvés en ultra majorité et qu'ils ont pu faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils font aux fermiers blancs. Il faudrait lire le genre de sévices qu'ils font subir à des gamins, à des femmes blanches en Afrique du Sud. On est très timoré ici, ouais, on est bien sûr, gens civilisés. Hein. Je suis d'accord avec ça. Voilà, donc bon, alors pour aller au fond de la question de Tortue Têtue, jusqu'où va-t-on descendre, pour citer l'ouvrage d'Alain Soral. Je pense que si tout doit se passer comme ça doit se passer, on va connaître des épisodes de barbarie nègre contre des blancs. On se répète, je veux me répéter, mais il faut étudier la révolution haïtienne parce que rien ne change. On parle de réalité raciale. Le nègre ne change pas, ok, il change pas. Donc il va faire la même chose pour peu que les circonstances objectives soient réunies. Donc c'est ce que t'as dit Jean, voilà, est-ce qu'il y a une majorité de noirs à un moment donné à tel endroit, est-ce que tout d'un coup on a l'impression que l'autorité blanche, enfin, ce que dans le regard du noir est l'autorité blanche commence à flageoler, c'est-à-dire l'autorité républicaine, parce que il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Hein. La République se présente comme un truc antiraciste, ça, mais il y a beaucoup de non-dits, parce que la police en pratique, c'est des flics blancs, très souvent, pas tout le temps, ça va beaucoup changer je pense, mais quand le noir va voir que dans un endroit particulier, il y a l'autorité de l'homme blanc commence à flageoler. Il va foncer. Il va faire un carton sur des blancs. Des blancs. C'est le programme. Là, j'ai ouvert un article sur le truc Black Lives Matter où les footballeurs mettent le genou à terre. Et donc, il y a les blancs qui mettent péniblement. Soit ils font rien, ils mettent simplement le genou à terre. Soit ils mettent le poing légèrement en l'air. Et par contre, sur la photo que je regarde, il y a un nègre qui met le poing très en l'air. Et alors, qu'est-ce que c'est ce poing en l'air qu'on voit partout d'ailleurs ? On le voit pour les LGBT, on le voit pour les nègres. Et, en fait, ça existait aussi pendant les révolutions communistes au XXe siècle. C'est la signature des juifs. C'est les juifs qui font dresser le poing à leur créature comme ça en l'air, en guise de lutte, c'est-à-dire que c'est le prétendument l'opprimé qui va se battre contre l'oppresseur. Mais la réalité, c'est que c'est l'inférieur qui se dresse contre le supérieur. Et donc le programme, c'est la guerre, c'est la mort, et ça s'oppose parfaitement à la main droite levée vers l'avant, donc le salut national-socialiste ou le salut romain, qui est un signe de paix. contrairement à ce que nos ennemis prétendent. L'homme blanc salue avec respect celui qui est devant lui en dressant la main, la paume ouverte, c'est-à-dire c'est un signe, ça date des Romains, de pas, je ne vais pas prendre mon épée, donc je... Que, en général, l'épée était à gauche puisque les hommes étaient droitiers, donc ils prenaient l'épée avec la main en la baissant vers le bas et en tirant l'épée du fourreau. Et la main tendue vers la droite, vers l'avant, ça montre, regarde, ma main qui est censée tenir l'épée te salue, donc je ne viens pas en signe d'agressivité. Et donc c'est toute la différence entre eux et nous, c'est que nous, nos signes naturels, c'est des signes de paix. Quand on veut exprimer quelque chose, on n'exprime pas de l'agressivité comme ça. Alors que ces gens, on les voit tout le temps avec le poing levé comme ça, parce qu'ils veulent nous faire la guerre, ils veulent nous faire la peau. Oui, c'est très bien observé. Très bien observé. Moi, je pense que ça va aller à Tortue Têtue. Moi, je pense que ça va aller à son terme, et on aura des blancs pour conspirer avec eux. Type Mediapart, c'est-à-dire des gens qui sont des pousses au crime, qui haïssent profondément leur peuple, en fait, qui, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'en fait, c'est ça la grande imposture de la gauche blanche, c'est qu'elle prétend aimer et agir pour le bien d'autrui. C'est faux. Les blancs de gauche sont profondément des gens qui haïssent. Et ils se haïssent et haïssent leurs semblables. Et ils sont prêts à s'associer à peu près à n'importe quoi pour faire du mal à leurs semblables. Donc c'est ça le grand non-dit, en fait, de la gauche et de la gauche radicale. Et on a du mal à le comprendre. A priori, on se dit, ouais, parce qu'ils disent, oui, ouais, on n'aime pas le fascisme, on n'aime pas l'autoritarisme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des gens qui haïssent leurs semblables. Voyez. C'est le membre de votre famille en fait qui aime personne et qui aimerait bien tous vous voir pendus en fait. Voilà, c'est ça la gauche radicale. Et donc ils vont, peu importe qui, si ça leur semble être en mesure de vous nuire, ils vont leur tendre la main. Donc ça peut être des islamistes, des nègres radicaux, ils s'en foutent complètement. C'est pas qu'ils ont un intérêt pour leur cause, c'est juste un instrument dans leur esprit pour faire du mal, pour nuire. Donc c'est ça la gauche radicale, c'est ça la gauche Mediapart, d'accord ? Voilà, et ces gars-là, on va les trouver effectivement à dire le plus grand bien qu'ils pensent de la révolution haïtienne, de tout ce que vous pouvez imaginer, de l'Afrique du Sud quand elle assassine des Blancs, enfin vraiment de tout ce qui peut nous faire du mal en fait, tout ce qui peut faire du mal à des Blancs en fait normaux, hein. Voilà, ça aura leur faveur, ce sont des sociopathes. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter la gauche radicale comme étant une force politique avec une proposition, un projet ou quoi. Non, ce sont simplement des réchappés de l'asile qui ont besoin d'un traitement adapté à leur pathologie, ce qu'on appelle le fascisme. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas traiter ces gens comme des gens rationnels et équilibrés. Ce sont des malades mentaux. Comme on dit, le gauchisme est une maladie mentale qui nécessite un traitement de choc. Voilà. Et si vous ne jugulez pas ce problème-là, ils vont donner par tous les moyens possibles à des gens qui vous veulent aussi du mal. Donc ça peut être des groupes raciaux ou autres, les moyens de passer à l'action. D'accord. Donc voilà. Avec les islamistes, on le voit. Hein, je veux dire, les gens sont là, mais pourquoi Mélenchon est dans ces manifestations ? Mélenchon, c'est du cynisme politique pur, lui, c'est le politicien, ça. Mais plus profondément, sa formation politique, pourquoi elle fricote avec des islamistes alors que, par ailleurs, ils parlent de laïcité tout le temps, etc. Mais c'est ça, ils veulent vous faire du mal. Les militants de la France insoumise ne sont pas des idéalistes naïfs qui se trompent. Ce sont des sociopathes. D'accord ? Je voyais un truc intéressant aux États-Unis, mais juste pour dire ça, j'ai pas les chiffres en France, mais il y a quelqu'un qui pointait du doigt à très juste raison aux États-Unis, dit on n'a pas un problème de violence politique, on a un problème de politique psychiatrique. Et le mec il dit voilà, dans les années 50 aux États-Unis il y avait je sais plus combien de millions d'habitants, je crois que c'était 160 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Aujourd'hui on y a 330 millions d'habitants. Dans les années 50, on avait à peu près 500 000 personnes qui étaient, je crois, mais je peux me tromper, hein, les chiffres peuvent varier un peu, mais grosso modo, il y avait à peu près 500 000 personnes qui étaient en institution psychiatrique. Il dit aujourd'hui, on en a à peu près 50 000. Donc voilà. Donc en fait, tout ce que vous voyez d'éléments gauchistes radicaux aux États-Unis, c'est pas des gens qui font de la politique. Ce sont des malades mentaux qui utilisent un véhicule d'apparence politique pour donner libre cours à leurs problèmes, à leurs déficiences mentales. Ok? Oui, la maladie mentale aux États-Unis est aussi particulièrement corrélée aux mélanges raciaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des mélanges très bizarres qui se mettent à prendre une arme et à tirer sur tout le monde. Il y a la drogue aussi, qui est endémique aux États-Unis. Les opioïdes en plus, quoi. Hein, je veux dire, donc, c'est ça le problème, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont malades, dont la maladie a été classée comme en fait c'est toute l'histoire de l'homosexualité, hein, de la banalisation de l'homosexualité, de la normalisation de l'homosexualité, de tous les comportements déviants. Non, mais en fait, c'est pas une maladie mentale, c'est juste un comportement qui a été diabolisé par la société majoritaire, blablabla. Ok, du coup, il n'y a pas besoin de traitement, il n'y a besoin de rien, laissez-les aller et venir, faites ce qu'ils veulent. Bah, le résultat, vous l'avez sous les yeux. Vous avez des drag queens au contact d'enfants de 3 ans. Voilà. Oui, ou la nana droguée à la testostérone qui, donc, a eu le courage de prendre une arme et de rentrer dans une école chrétienne, là, et de tirer sur des gamins. Voilà. Ça fait ça, hein, parce que quand tu drogues des nanas à la testostérone, elles font des choses que des femmes ne font habituellement pas. Bien sûr, elle n'arrive pas à manager le rush d'hormones masculine. Donc, voilà. Ce qui va se passer, c'est que ce système va aller au bout de sa logique. De toute façon, tous les feux sont verts. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer ton temps à dire que le blanc est un salaud. Regardez BFM TV, regardez tous les médias. Regardez bien. Il y a d'autres trucs, hein, aux États-Unis qui circulent. J'ai vu des études comme ça qui sont absolument corrélées. Hein. Ils ont regardé, par exemple... Il y a deux trucs que je voudrais signifier aux États-Unis, parce que j'ai expliqué le fait des vases communicants, à quel point la société américaine déborde en France. Pas qu'en France, mais en France, puisque c'est le principal espace dont on parle. Et on voyait d'abord, d'une part, qu'entre 2010 et 2020, le terme race, racisme, suprémacisme blanc, etc., dans la presse américaine, a explosé. C'est-à-dire qu'on était passé d'un traitement à peu près permanent, bon, évidemment malveillant, mais je veux dire à peu près permanent et stable, à une véritable explosion de l'utilisation de ces termes dans la presse américaine. Je peux pas vous donner les chiffres, mais je veux dire, on est passé de 1 à 10, si c'est pas de 1 à 15, quoi. C'est des volumes énormes. Donc ils ont compilé, à part les mots-clés, sur les articles de presse, les éditoriaux, les différentes affaires, la façon d'aborder les faits divers, etc., tout a été racialisé à outrance. Alors, je ne dis pas que la race n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Mais ils ont exacerbé tout ce qui pouvait l'être pour transformer ça en confrontation contre l'homme blanc. C'est à partir de 2011 qu'ils ont fait ça avec Occupy Wall Street. Enfin, en tout cas, ça a été justifié par certains comme ça, que les Juifs ont senti les flammes s'approcher un peu trop près d'eux quand gens sont mis à poser des questions, à aller à Wall Street et à dire « Bon, qu'est-ce qui se passe avec le système financier ? Est-ce que tout ça, ça c'est juste ? Est-ce qu'on accepte le système tel qu'il est ?» Et donc, ils ont créé ces histoires de confrontation contre les Blancs. Là. Enfin, en tout cas, il y a une synchronicité entre ce mouvement de Occupy Wall Street et l'apparition de tous ces articles dans la presse américaine anti-blanc, d'hostilité. Ouais. Alors le deuxième truc, c'était en fait, quand le meurtrier est blanc et que la victime est de couleur, ou inversement. Et en fait, il disait que, c'était ridicule le déséquilibre, c'est-à-dire qu'en fait, quand le meurtrier est de couleur, en fait, on précisait jamais, et quand il était blanc, on mettait bien en avant, ouais, il est blanc. Vous voyez? Ce qui crée un phénomène absolument déformant. Et alors vous allez me dire, ouais d'accord, mais c'est les États-Unis, on s'en fout. Non. Regardez bien, en France, dans le traitement médiatique, alors il y a à peu près, pour vous donner une idée, aux États-Unis tous les ans, il y a à peu près 8 personnes, entre 5 et 10 personnes, environ 8, personnes qui sont abattues par la police dans des circonstances problématiques, mais ou, qui ne sont pas clairement définies. Et grosso modo, quand on fait le tri là-dessus, il y a une ou deux personnes où on peut dire « Ouais, là, le flic n'aurait pas dû l'assassiner, enfin, n'aurait pas dû tuer, donc ça peut être peut-être considéré comme un assassinat ou quoi. » Mais bon, on peut en discuter, ok. Et ils vont prendre un ou deux cas comme ça, où le flic va être blanc et en fait, la victime, c'est un noir. Et ils vont dire « Un policier blanc a abattu un noir. » Et vous allez voir, sur BFM TV, sur même votre presse régionale, Ouest France, la Dépêche du Midi, enfin tout ce que vous voulez, quoi, Nice Matin, machin, un policier blanc. Et en fait, vous avez l'impression que là-bas, tous les jours, en fait, il y a des flics blancs qui abattent des nègres comme ça pour le plaisir, quoi. Et ils disent pas, mais pour. Si seulement. Non, mais pourquoi il faudrait demander, mais pourquoi vous dites qu'il est blanc? Pourquoi dites pas un policier a tué un. Pourquoi vous dites que c'est un blanc? Pourquoi vous mettez l'emphase là-dessus? Pourquoi spécialement cet angle de traitement, vous voyez? Ça, c'est des ordres qui sont donnés. Et ça traverse l'Atlantique, c'est des ordres qui sont donnés. Et quand vous vous intéressez aux statistiques, vous regardez vraiment de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a vraiment un déséquilibre dans les situations où des policiers se sont retrouvés à abattre des suspects, etc. Vous allez découvrir que les chiffres ont rien à voir, mais je vous dis bien, rien à voir avec la vulgate diffusé en permanence par les médias, mais rien à voir. Et comment on le sait? Parce que les données sont officielles aux États-Unis, c'est les données fédérales. Tout est publié, il n'y a pas de... Elles sont même pas remises en cause, d'ailleurs, les données fédérales, les condamnations devant les tribunaux, tout est ouvert, tout est filmé, contrairement à la France, d'ailleurs, les procès sont filmés. On peut tout savoir aux États-Unis. Ça, c'est un des rares avantages de la société américaine, on sait tout. Donc on peut pas dire que tout est monté, maquillé, etc. En plus, et attention, en plus les États-Unis, attention, c'est pas un État raciste, hein, l'Américain. C'est, je veux dire, y a les Noirs, ils ont des avocats, des trucs, etc. Les médias sont à fond pour eux et tout. On peut pas dissimuler des trucs. Et je vous assure que en fait, quand tu regardes les statistiques, tu découvres tout simplement que ça n'existe pas, que ce dont on parle matin, midi et soir à propos donc des flics blancs aux États-Unis, ça n'existe pas. Par exemple, dans l'affaire Floyd. Et on peut passer à un autre sujet ensuite, bien sûr. Ils disent, ouais, le flic blanc, ça. Donc, en fait, si tu crois, en fait, c'est un flic blanc, il avait envie de tuer du noir. Ouais, et ils t'expliquent pas qu'ils étaient quatre et que c'était une équipe multiraciale de flics. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette escouade de flics blancs qui tue tout le monde, qui est composée d'asiatiques, de trucs? Ça veut rien dire. Vous voyez? Voilà, enfin, tout est comme ça. Ça permet quand même à ceux qui regardent les médias d'associer cette mauvaise image de criminel au moindre autochtone qui souhaite simplement subsister. C'est-à-dire que l'autochtone, lui, il n'est pas criminel, mais dès que l'autochtone il revendique son droit d'exister, c'est-à-dire ne pas être remplacé, bah, tout de suite, son image est associée au pire criminel. Le Ku Klux Klan, ce genre de choses. Ce qui permet de l'empêcher de pouvoir émettre son vœu de survivre, tout simplement, mais sans violence. Ah bah, de toute façon, l'instinct de survie des Blancs, il est criminalisé. Hein. Donc, au moins, c'est simple. Si vous êtes Blanc, vous voulez vivre, en fait, vous êtes un criminel. Hein. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Hein. Si vous écoutez les médias, vous passez à travers tout le foisonnement de circonvolution et vous allez à l'essentiel du sous-texte. Vous êtes un blanc, vous voulez vivre, vous êtes un criminel. Vous devez mourir. Tout ce qu'on nous explique, c'est que les blancs doivent crever. En permanence, on nous dit ça. C'est ça qui est constamment répété médiatiquement. Et ça aura forcément des conséquences pratiques. Vous ne pouvez pas passer des années à appeler des noirs, des arabes, à tuer des blancs, à justifier l'assassinat des blancs, et que rien ne se passe. Ça va forcément avoir une conséquence. C'est pour ça que j'insiste sur un point. Les journalistes sont des terroristes. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Tout ce qui tient une caméra, tout ce qui tient un micro, qui a une carte de presse, c'est un terroriste en puissance. C'est un terroriste en puissance. C'est pour ça que j'ai appris avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, qu'en Ukraine, il y avait encore un journaliste à carte de presse française qui avait été tué au front. Ça m'a embelli la journée. Voilà. Mais quand même, ces gens sont des bandits. Sont des bandits. Et on le verra de notre vivant. On va le voir de notre vivant, ça. Le sale boulot que ces journalistes ont fait. On va le voir, concrètement, se traduire. Je vous assure. Malheureusement, on va le voir. Mais on va bien le voir. J'enchaîne, messieurs. Don numéro 2. Salut à vous, camarades. Je viens de vous envoyer 0,35 Monero pour le mois de mai. Racialement vôtre. Et c'est Doc. Merci, Doc. Don numéro 3, bonjour Gandalf, à toute l'équipe, je viens de vous envoyer un don de 0,1 Monero, j'attends toujours votre émission avec impatience, surtout en ce moment où la censure monte en intensité, bonne émission, une pensée pour Vincent Renoir, bien sûr, une pensée pour Vincent, ça va sans dire, Alpineur. C'en est où avec Vincent? Ils peuvent le garder éternellement là, en prison? Ça se passe comment? Ça se décidera le mois prochain, au mois de juin, il y aura une audition qui devrait être à caractère décisif. À moins qu'il y ait des possibilités d'appel, mais bon, on va voir quoi. Mais a priori, déjà au mois de juin, on en saura un peu davantage. Mais ce qui se passe actuellement est scandaleux parce que. Mais il n'y a pas les trucs genre l'habeas corpus et ainsi de suite en Angleterre dont on nous a bassiné les proto-droits de l'homme, quoi, alors que là, il est grosso modo derrière les barreaux pour quelque chose qui n'est absolument pas un crime là où il est, ouais. Et donc qui ne justifie pas d'être derrière les barreaux, ouais. Et il est en détention, ça fait quoi maintenant? Ça fait plus de 6 mois qu'il est en détention. Ils peuvent le garder éternellement en détention. Les Juifs, en fait, s'exonère vraiment de toutes les lois. Hein. Bah oui, bah c'est déjà bien dit, habeas corpus, machin, oui, mais d'accord, mais ça c'est bien dans les livres et dans les musées, mais c'est pas censé être appliqué, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et Vincent, c'est ça. Non mais absolument, il devrait être libre, actuellement. Il devrait être libre. Parce que ce pourquoi il est poursuivi n'est pas un délit en Écosse, ni d'ailleurs même en Grande-Bretagne. C'est pour ça que, par ailleurs, la flicaille française au service des Juifs a été obligée d'ajouter de nouveaux chefs d'accusation sur des trucs encore plus, voilà, pour le maintenir à toute force derrière les barreaux. Il y a rien, ok? Il y a rien. Mais bon, vous connaissez Vincent, quoi. Il a le visage paisible et calme d'un Bouddha. Je veux dire, c'est pas un mec qui appelle à la violence, tu vois? Jamais. Bah, c'est pour ça, voilà, mais voilà. Donc le mois de juin sera un moment décisif, ouais. En tout cas, de ce que j'ai perçu, hein. En tout état de cause. Autre don, c'est le dernier. J'envoie cet email pour avoir la confirmation de ma maigre rétribution de 0,06 Monero, qui ne sera pas la dernière. Courage aux Juifs et aux Goy confus. Censeur qui nous écoute, mais surtout à Dempart et à son travail de décryptage remarquable, amicalement, et c'est signé un jeune nazi, donc un jeune national-socialiste. Salut, jeune national-socialiste, bon courage à toi aussi, et bienvenue dans l'équipe. Bienvenue au Grimoire de Merlin, l'émission préférée des chauffagistes et des conducteurs de train. Alors aujourd'hui, nous avons dépassé le 10e épisode, bienvenue au 11e épisode! Félicitons-nous de ne pas finir en tôle encore pour le moment. Hein. La haine des Juifs va de l'avant, hein, j'ai envie de dire. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'ils peuvent ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et je pense également qu'on pourrait t'applaudir, ouais! Est-ce que vous voulez nous tuer? Mais oui, c'est clair. Il est clair qu'il y a une montée de l'expression raciste et antisémite dans notre pays. Et c'est vrai que les bonnes vieilles blagues de café du commerce sur les négros, les youpins, les bougnoules, etc., on en avait fini. Et malheureusement, cela est revenu sur le devant de la scène. Alain Jakubowicz avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Ouais. Bien, bien, bien. Après cette petite interlude de décompression, nous allons passer à la leçon du jour. Mes petits goyes, à vos stylos. Alors, nous allons parler d'un juif comac. Un putain de juif, le juif fondamental. Écoutez bien, mes amis, il s'agit de Yuval Noah Harari. Alors, certains d'entre vous le connaissent certainement. Pour les autres, il faut le connaître. C'est le juif zéro. C'est de là que tout commence. C'est le juif des banques. C'est le juif des mondialistes. C'est le juif qui vous emmène au-delà et peut-être encore un peu plus. Je commence. Alors, Yuval Noah Harari, écrivain et professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem, nous raconte, lors d'une interview donnée en octobre 2020, interview que vous pouvez visionner sur la chaîne YouTube intitulée « The Hebrew University of Jerusalem Official », j'ouvre les guillemets, « Les humains sont maintenant des animaux piratables ». Vous connaissez toutes ces idées comme quoi les humains ont cette âme ou cet esprit et qu'ils ont le libre arbitre. Et personne ne sait ce qui se passe en moi, peu importe ce que je choisis, que ce soit lors des élections ou que ce soit au supermarché, c'est mon libre arbitre. C'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons la technologie pour pirater l'être humain à grande échelle. Tout est numérisé, tout est surveillé. En cette période de crise, il faut suivre la science. On dit souvent qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne crise, car une crise est l'occasion de faire aussi de bonnes réformes que les gens n'auraient jamais acceptées en temps normal. Nous avons besoin de ce type de coopération mondiale. Nous avons besoin d'un filet de sécurité mondial pour protéger les membres les plus faibles de l'humanité, non seulement de l'épidémie, mais aussi des conséquences économiques. Si nous faisons cela, nous serons en mesure non seulement de faire face à cette crise, mais aussi de faire face à une crise future bien plus importante, comme l'urgence climatique en cours. Fermez les guillemets. Et il ajoute également, lors de l'Athens Democracy Forum en 2020, que vous pouvez également visionner sur YouTube, je réouvre les guillemets, le Covid est crucial car c'est ce qui convainc les gens d'accepter de légitimer la surveillance biométrique totale. Si vous voulez stopper cette épidémie, vous n'avez pas seulement besoin de surveiller les gens, vous devez surveiller ce qui se passe dans leur peau. Je pense que dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en arrière, la chose qu'ils retiendront de la crise du Covid est que c'est le moment où tout est devenu numérique. Et c'est devenu le moment où tout est devenu surveillé, où nous avons accepté d'être surveillés en permanence. Pas seulement dans les régimes autoritaires, mais même en démocratie. Et peut-être le plus important est que tout cela était le moment où la surveillance a commencé à se faire depuis sous la peau. Je referme les guillemets. Et oui, c'est génial! On est surveillé depuis l'intérieur du corps! La société démocratique, juive, s'invite sous notre peau. Pas que dans l'esprit, même dans le corps. Génial, parfait. Comprenez également que dans ce cas de figure, quand il parle d'humanité, d'être humain, on parle du bétail goy. Donc, dans le cadre d'un monde libre de la démocratie, les juifs vont vous coller à la peau, je vous le dis. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à ce que nous disait notre prophète juif, le prophète des démocraties, notre bon vieux Jacques Attali National, car il disait déjà bien avant 2013... On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance de RFID qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer des puces pour se protéger des puces, c'est-à-dire se créer des garde-fous contre ce maillage très dense de toutes ces informations nous concernant? Ah ben oui, parce que on l'a dit dans plusieurs émissions, plusieurs... le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ça a le droit de ne pas se être penché. Donc je pense que il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté. Comme, c'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, il y aura, de la part de chacun d'entre nous, une vérification permanente. Une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté et dans lesquels on est déjà, de mille et une façons, en relation avec les autres sans le savoir. Et voici qui ponctue magnifiquement cette leçon du jour. Donc, mes chers, sachez que ce qui nous arrive là, aujourd'hui, est mûri depuis plus de 10 ans, minimum, et que les grandes crises comme nous les rencontrons aujourd'hui seraient en réalité, comme le disent ces juifs, parfaitement voulues, en tout cas contrôlées. Et que le conspirationnisme dans un contexte pareil relève simplement de l'esprit critique. En tout cas, tous les conspi hardcore s'avèrent avoir de plus en plus raison a posteriori. C'est quand même un signe. À partir du moment où, évidemment, on prend 2 minutes pour faire fonctionner sa mémoire et regarder un petit peu en arrière avant de savoir où est-ce qu'on met les pieds à l'avenir. Bon, eh bien, je vous dis à une prochaine émission, mes petits goys. C'était Merlin, bientôt sur TF1. Malgré les procès, malgré les menaces, le national-socialisme triomphe un jour. Alors, rubrique numéro 1, la gauchette de la semaine. Yes, Cyril, influenceur qu'on va écouter tout de suite. Il a eu une mauvaise expérience, il rencontre ses fans. Et à chaque fois, ils se font dépouiller, il est pas content. Il essaye de comprendre ce qui se passe, il essaye de fournir des clés d'explication. Alors, il essaye, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il ait osé formuler les raisons réelles. Alors, on écoute et on se retrouve. Je crois que ce coup-là, c'est la fin. J'ai tourné des vidéos aujourd'hui. Il y a un gars qui s'est fait racketter. Ils étaient assis dessus, ils l'ont frappé pour récupérer 50 balles qu'il avait gagnées parce qu'il venait de me ramener une robe de mariée. Ma mère. Ta mère. Bon, dans les 6 qui l'ont agressé, on en a déjà reconnu 3. Il y en a 2 qui sont dans ma vidéo, là. Regardez la réaction qu'ils vont avoir quand je vais donner les 50 euros. 50 balles. Et si je suis abonné, ça double ou pas? Derrière, on peut voir que dès que j'ai donné l'argent et qu'il part, ils l'ont tous suivi et ils l'ont agressé dans une rue un peu plus loin. Le troisième qu'on voit suivre dans la vidéo là, c'est lui. Le comble, c'est que moi je finis la vidéo, j'en tourne une deuxième. 20 minutes après, une fille vient me voir pour m'expliquer que le jeune d'avant s'est fait agresser. Pendant qu'elle me dit ça, les malfaiteurs sont présents. C'est-à-dire qu'ils ont volé l'argent à celui d'avant et ensuite ils reviennent pour voir qui va gagner pour agresser la personne d'après. On vit dans quel monde, sans déconner? Ah, c'est pareil, il y a des gars, ils l'ont attrapé là-bas, ils l'ont tapé tout. J'ai eu quelques soucis, des pélos qui ont voulu me prendre la thune et tout. On s'est fait racket, on courut après et puis ils m'ont mis au téléphone. Croyez-moi, quand je les ai eu au téléphone, j'ai coupé un peu certains moments. Ils m'ont vraiment fait de la peine. Tu sens que c'est des jeunes qui ont juste envie de s'amuser, de rigoler, que d'autres puissent en profiter, les agresser et puis surtout, ils le savent au fond d'eux qu'il va rien leur arriver. On peut les retrouver, la police peut les retrouver, les jeunes vont pas porter plainte. Même s'ils portent plainte, il va rien se passer. Moi, je peux faire une vidéo, je peux les dénoncer et tout. Ils ont complètement carte blanche. Dans la rue, maintenant, les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Insultent, crachent, tapent, agressent, il n'y a aucune poursuite. Du coup, on est dans une impunité totale. Moi, le but de cette vidéo là maintenant, c'est de récupérer les 50. Après, je suis pas là pour faire leur éducation. Ils ont fait ça à 6. Ouais. On sait qu'ils sont beaux. Ouais, de Wamblin. Et c'était un groupe genre habillé comment? Enfin, bref, mais les 4 c'était de l'accosté. Pourquoi je demande aux jeunes? Parce que j'ai envie de savoir à qui j'ai affaire. Et encore une fois, c'est toujours les mêmes. Ne me parlez pas d'ethnie, hein. Me parlez pas de couleur de peau, de taille, de sexe, de... Oubliez tout ça. Ne faites pas de stigmatisation, ça sert à rien à part nous éloigner du vrai problème. On parle juste de groupes de personnes qui sont habillées pareil et qui font chier tout le monde. Et qui là, qui agressent un jeune à 6 contre 1 qui vont le frapper au sol pour un billet de 50 balles. Quand c'est que ça va arrêter ça? Moi, je sais pas vous, hein. Peut-être que c'est que moi parce que je fais des vidéos. Mais moi, ça m'arrive tous les jours, tout le temps. Là, je suis sorti 2 heures, je me suis fait agresser, il y a eu des problèmes de partout. Et ça arrive qu'à moi, genre ça vous arrive pas vous? Personne dit rien, il se passe rien, on fait rien. Genre je sais qu'on a il y a assez de problèmes dans le monde et en France, mais on va rien faire contre ça sans déconner. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai jamais vu ça ailleurs. Peut-être que je suis pas allé au bon endroit ailleurs, peut-être que je suis au mauvais endroit en France. Je sais pas, je suis à Lyon dans une grande ville en plein centre. 2023, c'est comme ça. On se fait agresser sans impunité. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un gros manque d'éducation. Et on va faire quoi contre ça? On va juste subir et dès qu'on peut crier au racisme. Alors on va faire quelque chose pour rééduquer ces gamins, peu importe d'où ils viennent. Juste derrière, je fais une autre vidéo. On m'a mis des croche-pattes. Oui, elle est folle. Vas-y, donne-moi un. On fait pas ça. Ah, enfin, il a parlé. Ouais. Donc là, on voit une gamine de 13 ans, deux fois d'affilée, mais elle ne décroche pas. Et le deuxième coup, il était bien fort. Pourquoi elle fait ça? C'est quoi le délire, là? Depuis quand on fout un croche-patte à quelqu'un par derrière? Et moi, j'hallucine. Sans déconner, j'hallucine. La gamine, elle a 13 ans. Elle n'a pas appris ça toute seule. Il y a un vrai problème en France, sans déconner. Et ça va devenir quoi, ces jeunes, celui qui ont agressé celui à 6, la gamine qui fout des croche-pattes à un mec qu'elle ne connaît pas deux fois d'affilée? Je me suis retourné, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? T'as qu'à parler. Quand je lui dis, tu recommences pas, les autres autour, ils sont même pas choqués. Il y a juste une maman qui dit, mais c'est quoi ce problème d'éducation? Je pense que c'est celle qu'elle voit. Et les autres, personne ne dit rien. Genre, ils sont juste contents parce que je parle. Une gamine m'a foutu deux croche-pattes d'affilée. Mais on va où, sans déconner, là? Ils vont aller où, ces gamins, là, qui agressent un mec pour 50 balles? En grandissant, ça va aller où, tout ça, là? Moi, je serais plus là pour le voir, hein. Moi, je vous dis, ça va être taillot de la France. Je fais des vidéos pour le kiff, mais ça me tire le moral vers le bas. Viens, on décolle une gifle, là, t'sais. Toute cette mauvaise énergie, c'est vraiment dur à supporter pendant. Je sais pas, les flots, s'il vous plaît. Vas-y, oh. Par casser les couilles, ça fait rien faire d'autre. Toi, quoi? Et là, tu nous mets des flots. Bon là, qu'est-ce qu'on voit? Un jeune en survêt de casquette pour changer, qui parle mal. Je lui demande gentiment plusieurs fois de laisser les plots. Il finit par en prendre un parce qu'il avait envie de m'énerver, obviously. Je demande gentiment de le reposer, il le fait pas, il se le met sur la tête. Haha, c'est drôle, on s'en fiche. Hop, j'ai rien pour lui prendre, il me le met sur la tête. Donc là, je commence vraiment à bouillonner avec tout ce qui s'est passé. Là, il me dit que c'est de ma faute parce qu'en fait, je suis planté au milieu de la rue comme d'hab, mais j'ai pas de panneau pour leur dire ce qu'ils doivent normalement faire pour gagner un peu d'argent. Du coup, il a le droit de me faire chier parce que c'est de ma faute. Le problème, c'est que c'est le genre de comportement qu'on voit, mais c'est ce qui prédomine en fait là dans la rue. Fin de cette vidéo. Là, les vidéos à Lyon, j'espère pas juste en France tout court. Dans les grandes villes, c'est fini. Cette ambiance dégueulasse et ce conflit toujours et cette éducation de merde, que insulter, que mal parler. Il manque de la bonne entente, il manque des gens qui s'aiment entre eux, il manque de la chaleur humaine. C'est terrible de détester la France, de détester les autres, de t'énerver contre tout le monde, d'être prêt à frapper, à toucher, à humilier les gens pour rien. C'est vraiment triste, mais moi je veux plus subir ça. J'ai fait ma part des choses. J'ai fait rire, je pense, beaucoup de monde, on s'est bien amusé, mais là ça me touche moi maintenant. Et je prends plus de plaisir à faire des vidéos, donc ça va être soit j'arrête, soit je me barre, donc je m'en vais. Alors, Hydromel, tu l'as écouté, t'as vu ce qu'il a dit. D'après toi, qu'est-ce qui bloque chez ce garçon? Pourquoi il ne voit pas ce qu'il faut voir? Est-ce qu'il y a un truc qu'est-ce que t'en penses? Ce que je vois, je fais un petit préambule, je vois qu'il a 4,3 millions d'abonnés, ce qui est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il est énormément suivi. Bon, ça c'est un petit aparté, et j'estime qu'il, je suppose qu'il a à peu près dans les 25 ans peut-être, environ. Et il semble que, il a pas tilté. Il n'y a pas de raison qu'il ne tilte pas, mais il a pas tilté au niveau de la conscience raciale, je pense. C'est-à-dire, t'es sûr, hein? Visiblement, oui, c'est certain. Parce qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il pense. Alors, tu vas me dire, c'est difficile, on peut pas décrypter, on peut pas lire dans ses pensées. Mais toi, d'après toi, quand il dit tu penses que. Il me semble sincère, mais je pense que inconsciemment, peut-être, il doit se dire. Parce que il s'emploie tellement à transformer la couleur de peau par des survêtements, finalement. Il dit, oh non, c'est pas la couleur de peau, c'est les survêtements. Ouais, c'est le skin du DLC, en fait, ça va pas. Changer le DLC. Et il insiste. Je me dis que, inconsciemment, il s'en rend compte, mais sa conscience lui dit, non, attention, là, je peux pas aller trop sur ce terrain, sinon c'est tout de suite... je vais devoir basculer pour la sauvegarde des Gaulois. Je vais être le dernier des. Les gens pourront plus me suivre aussi parce que c'est un business probablement. Bah oui. Le mec qui disparaît, il tombe dans un trou noir en deux secondes. C'est-à-dire qu'il se fait bannir d'Instagram, il se fait bannir de Facebook et je ne sais quel autre. Là, il est sur TikTok, je crois. Ne sais quel autre média social. Il est plus invité nulle part. Plus personne ne parle de lui, il n'a plus existé dans les médias et c'est terminé. Le gars n'existe plus. Il faut qu'il se crée un site alternatif, mais bon courage. Hein. Ou alors il faut qu'il mette les deux pieds dans le plat en se disant bon ben maintenant ça y est, je bascule. C'est beaucoup. Je vais aller chez TV Liberté. C'est la fin de tout. Là, il est mort. Là. Mais non, je veux dire, il est mort. Non. Mais comment dire Donc, je note quoi. Tu dis bon, en fait, il ressent des choses, mais c'est au niveau inconscient et au niveau de la conscience, ça franchit pas le cap. Et il y a son surmoi antiraciste, inculqué par le système, qui le rattrape tout de suite. En fait, donc le flic intérieur qui lui dit hop, pas trop loin, ça va te coûter des bricoles. Donc ça, c'est toi, Jean. Est-ce que tu penses que c'est le mec est sincère dans toute sa réaction? Parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Donc je veux dire, il met quand même en avant les auteurs des, parce qu'en fait il y a un de ses fans qui se fait dépouiller. Il affiche les mecs, il affiche les blazes. Il dit c'est toujours les mêmes. Donc on voit quand il y a un mec qui dit c'est toujours les mêmes, on voit ce qu'il veut dire. Enfin moi je comprends ce qu'il veut dire. Ok, il me parle des Arabes, des Maghrébins. Hein, je suis bon, voilà, enfin des racailles de merde d'Afrique du Nord. Bon. Ouais, enfin c'est plus faut rendre à Judas ce qui vient à Judas parce que bon. Vas-y, explique. Si ouais. Tu commences à lui dire, non mais t'as vu que c'est que des Arabes et des Noirs. Le mec, il appelle les flics. Il va te balancer. Oui. Il va te dire non, qu'est-ce que c'est que ça? T'es un sale raciste, t'es un nazi, je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est pas le moment où là. Où un individu qui simplement est né dans ce système, a été programmé par ce système pour croire à un certain nombre de vérités établies et qui, dans son expérience, découvre qu'en fait, ça ne marche pas exactement comme on lui avait dit et qu'il y a des moments de dissonance cognitive et qu'il hésite, il va et vient constamment entre « voilà ce qui est bien, ce qui est autorisé, donc ça, c'est le surmoi qui lui dit « voilà le bien, donc ce qu'on lui a appris », et puis en pratique ce qu'il vit, et là c'est les Arabes qui l'emmerdent, ils foutent en l'air son truc, c'est invivable, etc. Et il est constamment tiraillé, il sait pas trop vers où aller. Est-ce que, toi tu dis, bon, il faut faire un preuve d'empathie pour ce genre de mecs, parce qu'en fait, ils sont un peu piégés, ils savent pas trop, c'est un peu des couillons, et voilà. Et ou toi tu dis, non, le mec au contraire, il contribue totalement à ce jeu délétère, il se plaint, mais en même temps, il y contribue, enfin... Est-ce que tu pourrais m'en dire plus là-dessus, de ton point de vue ? Ah non, j'ai aucun respect pour ces gens-là. Les influenceurs, leur rêve, à mon avis, à peu près tous, c'est de se faire phagocyter par la télé, de finir chez Hanouna ou je sais pas où, avec un salaire peinard et de rentrer pleinement dans le système. On nous a présenté Internet comme... un moyen de faire émerger des personnalités différentes de ce qu'il y a à la télé, mais en fait, ils aspirent tous à passer d'Internet à la télé. Donc, ces gars-là, il va faire tout ce que le système attend de lui, tout ce que les Juifs qui contrôlent les chaînes de télé et la presse veulent entendre. Il va dire tout ce qu'ils veulent entendre. Là, il râle un peu parce que, bon, bah, c'est vrai que ça fait pas plaisir de se prendre des croche-pattes par ces gentils abonnés, mais dans l'ensemble, il va jamais se dresser contre ce système qui le nourrit. Et moi le pire du pire, à la limite j'ai envie de dire bon bah voilà, c'est son choix, il sait faire ça, être influenceur, faire des trucs sur internet, papoter sur des réseaux sociaux, donc c'est son mode de vie. Mais le pire du pire, c'est que ces gens-là, ils se retourneraient contre toi, ils te planteraient un couteau dans le dos si tu commençais à leur expliquer la vraie racine de leurs problèmes et que tu essayais d'enlever leurs œillères. Donc honnêtement, il faut surtout pas discuter avec ces gens-là. Quand vous voyez des gauchistes, enfin des mecs un petit peu à faible testostérone comme ça, qui te disent « Ah, quand même, il y a un sentiment d'insécurité. » Ce que les bobos aiment beaucoup dire, c'est « ça craint ». Ça, c'est le mot-clé. « Ça craint », ça veut dire « c'est pas bête nègre ». Ils vont quelque part dans un quartier. Ah, tel quartier. Ah, 18e à Paris, ça craint. Oui, bah, c'est que les Arabes des nègres, c'est ça le problème. Ouais. Et ils vont te dire « ça craint ». Ils vont te parler en langage codé. Donc tu comprends, toi tu comprends très bien ce qu'ils veulent dire, puisque t'es blanc, mais en fait c'est parce que c'est des gens qui refusent de dire la réalité, quoi. Ouais. Donc pas de cadeau pour les lâches, pas de cadeau pour les lâches, d'accord, ok, très bien. Et quand ils disent il fait bon vivre, ça, c'est un autre mot codé pour dire il y a beaucoup de blancs. Bien observé. Alors il veut se tirer de France, hein, j'observe. Je crois pas qu'il va se tirer de France, mais il en a marre, il dit ouais mais j'en ai marre un truc machin. Oui, mais comment il va faire pour rencontrer ses fans et tout si il se tire de France? Ses fans ils sont en France, hein, et voilà, et visiblement il a beaucoup d'arabes chez ses fans. Bref, à suivre en tout cas. Rubrique numéro 2, démocratie. Alors vous savez, alors c'est pas cette semaine, mais c'était un peu la semaine d'avant, quoi, mais c'était 8 mai là, 8 mai offensif, un peu seul pour Emmanuel Macron, qui a défilé les Champs-Élysées tout seul. Voilà, privilège de la monarchie, hein, il était tout seul, il baladait, quoi, il disait, voilà, il est parti rendre hommage aux résistants français, qui aussi, grosso modo, étaient tout seuls, hein, je pense. Contrairement au mythe. J'ai trouvé une magnifique photo, c'est cruel, hein. Mais c'était une photo étrangère aussi, les célébrations du 8 mai 1945 sur les Champs-Élysées, prises depuis le sommet des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, je veux dire. Alors en fait, il y avait beaucoup plus de gilets jaunes sur les Champs-Élysées que ce jour-là. Je parle bien du 8 mai 1945 sur les avenues, sur les champs. Hein. Le jour J, quoi. Il n'y avait personne. Je crois qu'en bas, il y avait quoi, quelques communistes et essentiellement des juifs, quoi. Grosso modo. Hein. Il n'y avait personne le 8 mai 1945 à Paris. Il n'y avait personne. Alors, je ne peux pas m'empêcher de le souligner. Mais c'est quand même un jour sacré pour toutes les démocraties et pour la République française. Et alors, Emmanuel Macron a utilisé ce jour-là pour se choquer du fait que on avait parlé de la juive Myriam Khan qui expose des œuvres à caractère pédophile au Palais de Tokyo. Bon, bah, pauvre Palais de Tokyo quand même. Une peinture notamment met en scène un homme adulte très musclé qui je sais pas comment décrire la scène, mais disons que c'est une scène de fellation avec un enfant. Oui, il tient la tête d'un enfant. Voilà, ouais. Voilà, bon, les affres de la communauté juive, hein, vous savez que les familles juives, enfin, Hervé Ricine a fait un excellent livre là-dessus, ça s'appelle Psychanalyse du judaïsme, je vous le recommande très vivement. C'est Paris Seine qui extrapole, hein, il cite simplement écrivains, cinéastes, philosophes, journalistes, tous les hommes de lettres juifs, à travers les âges, etc., qui parlent de ce sujet, c'est-à-dire de la fascination qu'exerce sur eux l'inceste, les rapports homosexuels au sein des familles juives, mais aussi hétérosexuels au sein des familles juives, et on découvre progressivement en lisant cet ouvrage que c'est un thème extrêmement récurrent de la littérature juive, et même des peintres, hein, qui ont confessé, tu sais, Freud qui a parlé de ça, Freud qui dans ses lettres explique que son frère a été violé par papa, ce genre de choses. En fait, c'est très prégnant en fait dans la communauté juive, hein, les relations sexuelles entre les parents et les enfants, faut le savoir, hein. Il y a également une vidéo sur Odyssée qui s'appelle Les Juifs, l'inceste et l'hystérie. Oui, mais qui voit pour ceux qui... C'est bien, mais c'est plus une introduction que l'ouvrage est accablant. Je veux dire, l'ouvrage est accablant parce que c'est sous la plume des juifs. C'est ça qui est terrifiant, quoi. C'est-à-dire que un recueil de citations. Ouais, voilà. Alors bien amené par Hervé Ricen, hein, quand même au fil des pages, mais accablant, effrayant, voilà. Donc pour comprendre pourquoi Myriam Khan se livre à ça, c'est pas du tout étonnant. Mais alors. Macron surgit là-dessus, donc alors qu'il était probablement en route seul sur ses Champs-Élysées, il écrit ceci. En ce 8 mai, parce qu'il y a un bon Français qui a réagi et qui a balancé de la peinture sur cette saloperie, sur cette immondice. Ah bah lui, il mériterait d'être décoré. Hein. Bah, il mériterait la Légion d'honneur si c'était encore une Légion. C'est un héros. Oui, c'est pour, enfin, si c'était encore une Légion réservée aux gens d'honneur, mais bon, ça a changé. Mais oui, bien sûr. Alors. Bah, tout le monde applaudit, tout le monde salue cet homme. C'est-à-dire que voilà, il y a un homme qui s'est dressé, qui a commis un geste pour le coup salutaire. Réaction du président de la République, le 8 mai. Je cite, « En ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté, je condamne l'acte de vandalisme commis hier au Palais de Tokyo, s'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. » D'accord ? En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garanti. Eh ben, je le découvre, monsieur le président de la République. Je ne le savais pas. Créateur moi-même, assez original, je le confesse, mais tout de même, je n'ai jamais pu jouir de cette liberté que la République française m'a niée depuis que j'exerce dans mon domaine. C'est bien dommage, mais enfin, sous votre plume, je la prends. J'en suis un petit peu attristé. Chers tous, une réaction éventuellement, Jean, nos valeurs, le 8 mai, la pédophilie, les juifs, je trouve ça assez raccord. Je veux dire, quand même, je dois le dire. Hein. Oui, la clique s'est dressée pour la pour protéger cette juive suisse. Alors nos amis suisses viennent dégueuler leurs juives dans les musées parisiens, c'est très bien. Qu'ils arrêtent un peu, qu'ils arrêtent avec oui. ça. Qu'ils arrêtent avec ça. Absolument. Qu'ils arrêtent aussi de donner des passeports aux juifs, ça serait pas mal aussi, tu vois. Oui, là, parce que la presse, quand ils parlent de cette artiste, prétendument, ils disent l'artiste suisse. Alors tu dis, bon, l'artiste suisse, Myriam Kahn. Ah, ok, je vois, je vois. Et non, puis Jack Lang aussi, il y a eu quand même une vague de réactions de toutes les personnalités en vue de la, Jack de Lang la aussi. pédocratie parisienne. La pédocratie, ouais. Et bon, bah, on voit bien, ils se protègent entre eux. C'est un peu la mafia qui fait ses règles et qui se protège elle-même. C'est très bien. Ils sortent, les démons sortent de l'ombre comme ça quand quelqu'un met un peu de lumière sur cette oui. sur cette triste réalité. On les voit, on voit les démons surgir et hurler à la mort parce que leurs effigies, parce que eux n'ont aucun problème à attaquer tout ce qui nous est cher, tout ce que nous aimons et que nous trouvons beau, à constamment déféquer sur notre histoire et nos traditions. Par contre, dès que tu touches à un de leurs trucs sataniques, alors là, ça ne va plus. On en appelle immédiatement au 8 mai, à l'Holocauste, à des juifs qui sont morts vaguement dans des camps en Pologne. Il faut immédiatement que toutes nos valeurs. Oui, non, mais là, nos auditeurs, moi, je répète, je martèle, mais je pense que Vincent s'en donne un corps joué en ce moment, mais les gens doivent dire, mais je comprends pas, il y a un gamin. C'est une scène de viol où il y a un enfant qui se fait, qui est forcé, contraint à une fellation sur un adulte. C'est commis par une juive et d'un coup on vient me parler de camp de concentration, de chambre à gaz. Je comprends pas. Tu vois, toi t'es là, c'est le kidam. Je comprends pas. Non, mais ça me plaît pas ça, ce que vous faites là. C'est scandaleux, c'est odieux, c'est atroce. Faut pas montrer ça quand même. Et tout d'un coup, non, mais les chambres à gaz. Et tu sais le béotien, il comprend pas. Mais les gens tout en haut, ils comprennent. Ils comprennent. Ils disent, ah non, mais attendez, si vous nous interdisez de montrer des enfants qui se font violer, on sait où ça a mené. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais c'est ça le truc. Et le pire, c'est que c'est ça. Oui. Le pire, c'est que c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Vous vous rappelez de l'histoire des livres qui étaient brûlés par les nationaux-socialistes? Ils en font des caisses. Les autodafés. Mais ils ont jamais dit quel livre était brûlé par les nationaux-socialistes. Alors le Kidam, il se dit, oh, bah, je sais pas, c'est des poètes, c'est des romans. Non, c'est pas ça. C'est des trucs de détraqués sexuels juifs. Comme ça. Donc quand vous les voyez, ah, on sait où ça... Oui, on sait où ça a mené. Oui, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, le peuple a dit, vos immondices, là, hébraïques, on n'en peut plus. Vos apologies là du viol des gamins, on n'en peut plus. Et puisque vous refusez d'entendre raison, on va vous foutre une étoile jaune. Et c'est ça qu'ils nous disent les juifs. Et c'est ça que nous dit Emmanuel Macron. Et voilà, j'ai pas pu m'empêcher de citer ça, mais c'était non parce que n'empêche que enfin toutes affaires cessantes, Macron a quand même trouvé le temps de condamner un truc anti-pédophile. Enfin, je veux dire, c'est même François Hollande n'aurait pas fait ça. Vous imaginez, même François Hollande qui est pourtant qui est quand même un très gros glandu, quoi, je veux dire. Il aurait dit, non, voilà, là, ce que vous me faites faire, c'est un peu trop salé, quand même. Macron... Et pour Lola, il a attendu une semaine ou 10 jours pour dire quelque chose. Ouais, et encore, peut-être au détour d'un déplacement, quoi, hein, voilà, hein, c'est ça. Quelque chose d'autre là-dessus? Enfin, nos valeurs, le 8 mai 45, ben oui, je suis d'accord, ben c'est pas les miennes, hein. Donc je confirme bien, le 8 mai 45, c'est un jour très triste. Pour l'Europe, voilà, c'est la défaite du Troisième Reich. Ben, j'aurais préféré que ce soit autre chose, mais voilà. Donc oui, je confirme bien. Hein. Voilà, donc les valeurs de la pédophilie, etc. Les machins des. Oui, voilà, les trucs des juifs, non. Voilà, c'est pas ça. Le 8 mai, c'est pas mon jour. Voilà. Bon, ben faites la fête, quoi. Rétrospectivement, puisque c'est passé, mais quand même. Ben, faites la fête, profitez-en, hein, tant que vous pouvez encore. Voilà. Possible. Non, mais je pense que c'est aussi une bonne occasion de rappeler que les élites parisiennes médiatico-politiques sont très bien intégrées dans les réseaux de pédophilie internationale, comme tout ce qui est sorti après l'affaire Epstein l'ont bien démontré. Il y a une très très bonne émission, je ne sais pas s'il est toujours disponible sur Odyssée, mais avec Alain Soral, Pierre Jovanovic et... Xavier Poussard qui écrit ouais. La lettre fait document, elle dure une heure et ouais. Je me suis dit ça m'étonnerait qu'elle tienne longtemps, faudrait que j'aille voir si elle est toujours, mais bref, il parle de ça assez longuement sur Odyssée et ouais. C'est sur l'affaire Epstein, vous pouvez probablement retrouver ça ouais. C'est assez effarant de voir que toutes ces personnalités en fait trempent toutes dans des milieux très très bien intégré, et donc il y a des trafics internationaux. Donc Macron, quand il nous dit ah c'est une attaque contre l'art et la liberté, en fait c'est que il défend ses vices et ses crimes. Je pense que ces gens sont particulièrement vicieux et ils ont un penchant très lourd pour les enfants, notamment les petits blancs. C'est pour ça qu'ils aiment bien opérer comme ça dans des villes quand même encore de pays réputés blancs, ils sont particulièrement adeptes de ça, et ça évoque aussi des aspects encore plus noirs du couple Macron trogneux. On ne sait pas trop qui est cette personne qui porte le pantalon, tu veux dire. Ouais. Non, on ne sait pas. Enfin, je rappelle, je sais qu'Hydromel aime bien ce thème, mais je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gens aiment ce thème. De ce qu'on appelle Brigitte Macron. Mais bon, il y a d'ailleurs une photo qui a circulé où ils ont mis les têtes du couple présidentiel sur les personnages de la toile. Cette toile sordide dont on remarque quand même que les personnages sont blancs. Hein, comme si on n'était pas suffisamment sali. Et ce que je voulais rajouter, c'est en fait la signification de cette toile, c'est censé exprimer les violences de la guerre. Je vois pas trop le rapport. Quel rapport avec... Oui, non, c'est complètement... aucun rapport. Et bon, c'est une toile anti-Poutine. T'as pas compris. Non, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et en fait, sous couvert d'art. Cette fois-ci, c'est l'art. Une autre fois, ça va être l'humour. Une autre fois, ça va être les droits de l'homme. Enfin, sous couvert de tout un tas de choses abstraites comme ça, ils sont capables de nous passer les pires atrocités, les plus sordides. Effectivement. Voilà. Ouais. Une pensée pour Pierre Palmade, hein, qui se remet doucement de son accident. J'ai appris qu'il avait été relâché. Il a fait un petit check-up aussi. Tout va bien du côté de chez Pierre. Salut Pierre. Alors, je tiens aussi à préciser, avant de passer au sujet suivant, que Sandrine Rousseau, toujours en point des combats qui comptent, a condamné ce vandalisme. Je cite sa réaction. Hein. Donc, dans sa prise de parole, elle dit, voilà, elle condamne la vandalisation du tableau de Myriam Khan. En revanche, les tableaux attaqués par les fous, là, les salafistes du mythe climatique. Une théorie conspirationniste, d'ailleurs, aussi, là, vous savez, c'est, si vous mangez de la viande, ça fait monter la température de l'air. Bizarrement, c'est une théorie de la conspiration qui n'est pas du tout condamnée. Et donc, cette nana-là, là, Rousseau, a dit que, voilà, non, mais quand c'est nous qui le faisons, c'est bien. Mais quand c'est pour condamner la pédophilie, c'est pas bien. Voilà. Je suis content de voir que le niveau de l'Assemblée nationale progresse au fil des ans. Comme quoi, le progrès, ça compte, c'est bien, c'est positif. J'aime. Alors les gars, je voulais aussi aborder ce sujet, terreur globale, rubrique suivante, c'est l'interdiction a priori de toutes les manifestations de droite patriotique, nationaliste, identitaire en France, à l'initiative de Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur. Alors ça fait suite évidemment au défilé annuel qui a lieu depuis 1994, en mémoire de Sébastien Desieux, militant nationaliste très probablement assassiné par les flics de Pasqua, comment dirais-je, encadré par les juifs, bien sûr, à l'époque. Il y a un hommage récurrent depuis des années qui a lieu, et ça n'avait jamais attiré particulièrement l'attention des médias, ou pas beaucoup. Et cette année, donc, les militants du GUD ont... Enfin, il y avait le comité du 9 mai, mais je veux dire, les militants du GUD étaient en pointe, etc. Enfin, bon, peu importe, ils ont fait une manifestation qui était très bien faite, c'était très bien rondement mené, dira-t-on, dans vraiment la bonne tradition nationaliste française. Et alors, ça, c'est génial, c'est en fait... Les gens pensent que l'histoire de France commence avec Twitter, en fait. Et donc, il y a des gens qui sont là, au secours, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, la France est en danger. Sous-entendu la République, quoi. Intervenez, les nazis ont pris le pouvoir à Paris. Et en fait, les glandus ne savaient pas que ça existait depuis 30 ans. Ils ont créé un compte Twitter, ils ont découvert la vie, tu vois. Et non, voilà, les nationalistes rendent hommage à Sébastien Dézieux et à tous les nationalistes qui sont morts en détention ou de la répression policière. À cette occasion, voilà. Alors, je reconnais, hein, je dois dire que cette année, Monsieur Bain a été particulièrement percutant, je tire mon chapeau. Ils ont eu trop de testostérone. C'est trop. Ils ont atteint un seuil critique de testostérone. Ouais, l'État a dit non, c'est plus possible. Il va falloir vous injecter de l'œstrogène, on arrête ça. Mais c'est ça, et franchement, c'est ça. Et c'est ça, tu vois, non mais il y a Bane qui arrive, il y a un truc, pff, tu vois, c'est... Ouais. En plus, il assure juste la sécurité, je crois pas que ce soit le chef. Le chef, je crois que c'est celui qui scande les slogans et tout, enfin bon, voilà, il y a tous les patrons du mouvement qui lancent ce truc, c'est super. Voilà. Mais alors, là, ils ont été figés, mais c'est... Comme quoi, l'esthétique, ça a un impact énorme quand même, hein. Ça a un impact énorme, hein. Et moi je tire mon chapeau, hein. Je tire mon chapeau à tous les aux militants présents, bien sûr. En plus, pour une cause qui est noble, et en plus ils s'inscrivent complètement à rebours de toute cette normalisation infâme qu'on nous a imposée là, enfin que Marine Le Pen nous a imposée. Parce que fut une époque, les gens l'ont oublié, mais le Front National, sans être, je veux dire aussi, on va dire militant au sens le plus en pointe. Ne garder constamment quand même le contact avec les nationalistes purs et durs, quoi. Il y avait quand même un jeu d'équipe. Tout ça, évidemment, appartient au passé. On parle de la Jeanne d'Arc, puisque maintenant, tous les manifestations en faveur, enfin, pas en faveur, mais les manifestations, les commémorations à propos de Jeanne d'Arc ont été interdites par Darmanin, on va y revenir. Et le Front National avait la sienne. C'était un moment, c'était même le moment le plus important de l'année au niveau militant pour le FN. Bah, ils ont cette année, il y en a pas. Ils ont fait un truc, je sais plus quoi, à Nanterre, je crois, je sais plus. Enfin, pardonnez-moi, j'ai pas les détails, mais enfin, ils ont complètement abandonné, quoi. Donc il y a la marche pour Sébastien Dézieux, bien sûr, qui est distincte de l'hommage rendu à Jeanne d'Arc. Normalement, c'est le 2 mai, mais ils ont fait un lot pour le tout, Darmanin a fait un lot pour tout. Le plus comique, c'est que Darmanin vient de l'Action française, en plus. Mon Dieu. C'est pour dire. J'aime pas l'Action française, hein, je veux dire, enfin, contemporaine surtout. Mais bon, c'est quand même, ça doit être assez pénible. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? De cette annonce faite de l'interdiction de, alors, non seulement à Paris, mais partout, des manifestations nationalistes ou patriotiques. Parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des vétérans de l'armée française qui voulaient manifester, qui se sont fait interdire. Donc c'est des gens qui ont servi la France, hein, sous l'uniforme français, qui ont risqué leur vie quand même. Ils se sont fait interdire de défiler, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'on est, toujours dans la criminalisation des autochtones qui veulent simplement survivre. Après... ce que je me méfie, c'est que le fait que les médias en parlent matin, midi, soir, est-ce que derrière, il n'y a pas un leurre? Ils vont attendre, par exemple, un événement, quelqu'un de déséquilibré qui va faire un acte envers des étrangers et pour accentuer encore la criminalisation. Je me méfie un peu de cet aspect. Et aussi, un autre truc sur les tenues. Alors, ça se comprend qu'ils mettent des tenues, qu'ils se dissimulent parce que ils ont des emplois, ils ont une vie et ils n'ont pas envie de perdre. Tu parles de la cagoule là. Voilà, les cagoules, tous en noir, ils étaient rangés en ligne. Ça c'est vachement bien, tu rigoles. Non, c'est bien. Ouais, mais si, c'est vachement bien, mais ça, si tu veux, sur le Gogol qui accepte l'invasion migratoire. Si tu veux, ça a un effet repoussoir. Oui, la testostérone. C'est ce que dit le camarade. Il t'a dit, tu vois, la testostérone. Oui, mais c'est normal. La testostérone fait peur aux femmes. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me méfie, parce que quand on regarde les visuels noir et blanc, on pourrait imaginer que l'État va s'appuyer sur des gens qui sont sincères, authentiques, mais pour leur attribuer des saloperies dans le futur. Voilà. Même dans le présent, parce que t'as vu, en très peu de temps, on a une séquence, parce qu'il y a eu Saint-Brévin-les-Pins, où il y a eu la démission d'un maire d'extrême gauche qui organisait l'invasion dans sa commune. Hein. Il voulait. Mais alors ça, je crois pas du tout à la version officielle. Moi non plus. Mais il n'y a pas de version. Il n'y a pas de version, c'est ça le truc d'ailleurs. Si, la version, c'est que vaguement, des gens d'extrême droite auraient. On ne sait pas. Mais bon, on n'a pas de preuves. Parce qu'il y a une enquête en cours. C'est ça le truc. Il y a toujours un sous-entendu que ce serait des gens de droite hostiles, parce qu'on fait toujours l'association avec le fait qu'ils vont ouvrir des centres pour les nègres. Mais ils font l'association, et donc la version officielle par association, c'est ça. C'est que c'est des gens de droite. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait des gens en France organisés de telle manière. Je pense que c'est une barbouzerie, cette histoire. Ouais, ça ressemble à une barbouzerie. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que ils ont constaté, alors surtout dans la région de Nantes, ils ont constaté qu'il y avait effectivement une résistance qui s'organisait à ce type de d'implantation arbitraire de migrants. C'est un gros problème, puisque c'est la politique de l'État français. Implanter les migrants clandestins qui viennent d'Afrique, du monde musulman, partout dans les campagnes françaises, c'est la politique officielle du gouvernement français, d'accord ? Ils le veulent, ils veulent l'imposer. Donc s'il y a une résistance qui s'organise, c'est problématique. Et on peut tout à fait penser, ce serait pas la première fois, qu'il y ait une provocation qui soit menée par les services de police, sur ordre du gouvernement central, hein, parce que bon... ils sont quand même aux ordres de qui les paye, pour en fait diaboliser le mouvement de résistance. Alors là où ça pourrait en fait un petit peu mal tourner, c'est que l'opinion ne se retourne pas. Ce qui aurait pu inquiéter le pouvoir central. C'est-à-dire qu'ils disent, allez, on va cramer la baraque du maire, toute l'opinion va se retourner contre les opposants, et on va jouer sur du velours. Et ils regardent la situation, c'est qu'en fait tout le monde applaudit. Et là, les mecs se disent « Ah, on a un problème. » Ça, c'est une réelle possibilité. Et je peux d'autant vous le dire que les provocations policières du ministère de l'Intérieur français à Nantes, on les connaît. Le faux attentat contre le préfet Aïssa Dermouche, nommé par Sarkozy dans le cadre de sa politique de discrimination positive, alors qu'il était en campagne présidentielle, on sait très bien qui l'a mené, et il y avait la clique de Pasqua, et du sac, donc de la racaille gaulliste, qui était derrière. Donc on sait exactement ce que ces gens ont l'habitude de faire. Donc il serait pas étonnant, je dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'il serait pas étonnant que les services du ministère de l'Intérieur en loose dé et essayé un truc. Bon, c'est peut-être pas le cas. Ça peut être aussi des règlements de compte entre voisins ou des gens qui ont maille à partir avec ce maire. C'est possible aussi. C'est peut-être l'ultra-gauche qui, pour X raisons, a un compte à régler avec ce maire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le discours officiel qui tend à nous proposer une version déjà acquise, hein, alors que l'enquête est en cours, on ne sait pas qui a fait le coup, on ne le sait pas. Je ne vais pas pleurer sur le sort de ce maire, qui est une ordure finie, et il faut le dire. C'est une ordure. Et tous les politiciens qui collaborent à l'implantation de ces sauvages sur nos terres sont des ordures. Alors, l'histoire, c'est très clair, elle parle pour elle-même. Quand on trahit, au bout d'un moment, le peuple se révolte. Alors, je ne sais pas qui a fait cette opération, mais ce que je sais, c'est que je ne serais pas surpris qu'au bout d'un moment, quand la coupe est pleine, le peuple se met en colère et que ça finit très mal. Et ça, moi je dis à tous les candidats qui veulent, de politiciens, qui veulent commencer à ouvrir des centres, etc., moi je dis, faites bien attention à ce que vous faites, parce que vos administrés, ils vous regardent, et ce n'est pas sûr qu'ils vous passent l'affaire aussi facilement. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi je suis certes sceptique sur cette affaire, mais en dernière analyse, les gens ils regardent quand même ce qui se passe chez eux, et d'autant que, parce que ça c'était le truc le plus fou, c'est qu'à Saint-Brévin, ils voulaient foutre ce centre où on allait mettre des Soudanais et des Afghans dont on sait que ce sont des tarés finis, à côté d'une école. Mais vous imaginez, vous, foutre votre gamine en bas âge, sortir d'une école à côté des basanés pareils? Et puis Saint-Brévin, c'est la belle vie, hein, à côté de la mer, c'est super. Ah ouais, bah attention, parce que ce qui t'importe, là, ça vient de Nantes, hein, ça, t'as toute la crasse possible et imaginable, crois-moi bien, et ça, alors il y a peut-être la mer, hein. Alors t'as les couteaux qui vont avec. Donc c'est hallucinant ce qui se passe. Et la mère Johanna Roland et tout, et toute la clique des élus, et ça c'était un point sur lequel je voulais revenir justement, toute la clique des élus s'est solidarisée, de l'extrême gauche à l'extrême droite. On ne peut pas, les élus, machin, pourquoi, vous êtes une case particulière, reçu c'est la vache sacrée de la République. Il y a une onction. Mais moi je veux dire un truc, parce que cet enculé de maire qui est un traître fini, et qui s'apprêtait à saloper sa commune, peut-être dans l'indifférence générale de ses administrés, j'en sais rien. Mais il s'est fait cramer sa caisse, d'accord, mais parlons des voitures brûlées. En France, tous les ans, 40 000 véhicules sont incendiés par les bandes afro-maghrébines. Dealers, tout ce que vous voulez. Et ces 40 000 personnes, on n'en parle jamais. C'est des travailleurs honnêtes qui se lèvent le matin, ils vont bosser, leur voiture est cramée. Faut en payer une autre. L'assurance, le BIN, c'est remboursé, c'est pas remboursé. Leur vie devient un enfer. Ils se font insulter quand ils sortent. Bon, qui en parle? Qui parle de leur vie? Personne, à commencer par toute cette clique de politiciens. De l'extrême gauche à l'extrême droite, parce que le RN est extrêmement timide, même sur ces questions-là. Donc, personne ne dit rien. Ah, par contre, le véhicule d'un élu de la République. Là, c'est marrant, élu, ça me rappelle peuple élu. Ah, ça crame. Ah, mais ça crame théoriquement, parce que même si je m'en fie, moi, à la version officielle, ça serait pour protester contre l'invasion totale. Bon, il y a eu des causes plus déshonorables, hein, entre nous, soit dit, hein, pour ceux qui seraient tentés ce genre de truc. Hein, il y a eu des causes plus déshonorables. Le Rourvari total. Il faut se mobiliser. La République en danger. Ah bon, bah oui, d'accord. Mais de quelle République on parle? Donc, il y a 40 000 Français, ils se font cramer leur bagnole, tout le monde s'en fout. Voilà, on passe par perte des profits. Par contre, il y a un de ces élus d'extrême gauche qui est en train de saloper sa commune, qui est en train de trahir, qui facilite l'invasion. Sa bagnole se fait cramer. Ah voilà, et on doit tous être au garde à vous, on doit répondre présent. Au secours, comment faire, voilà, le tocsin, etc. Mais allez bien vous faire enculer! Allez bien vous faire enculer! Démerdez-vous. Ouais, ce cramage de maison plus voiture, que ce soit une barbouzerie ou pas, elle a certainement sauvé un grand nombre de cramages de voitures. Attends, ils importent des violeurs, des assassins. Je veux dire, à Nantes, t'as eu un gang de Soudanais qui a violé une nana, elle est à 5h du matin dans les rues nantaises. Okay, on sait ce que c'est infréquentable, on peut pas y foutre les pieds la nuit dans Nantes. Et cet enculé de vieux gauchiste, il prétend pas savoir, il dit « Ouais, mais tous les opposants aux migrants, ils font une association entre les migrants et la délinquance. » Espèce d'enculé! T'as pas besoin d'être d'extrême droite pour ouvrir un canard, lire la rubrique Faits divers à Nantes et lire ce qui se passe dans ta ville. T'as pas besoin d'être un intellectuel d'extrême droite, ok? C'est marqué noir sur blanc, même par la presse la plus autorisée. Il t'explique ce qui se passe. Fusillade entre gangs ethniques, viol, assassinat, tentative d'assassinat, raquette, agression gratuite. C'est tout le temps et partout. L'origine, l'immigration non blanche, encore et toujours. Besoin d'expliquer? Non, c'est évident. Ce mec, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Le réflexe, j'ai envie d'en faire venir plus, je veux absolument en faire venir plus. Et il s'étonne, tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui sont pas contents, surtout ils sont pas contents parce que j'ai envie de les foutre juste à côté de l'école de leur gamine. Je vous assure, hein, je vous assure que si on avait si peu de testostérone, ça se passerait autrement. Donc faut arrêter avec ça. Ce maire est une ordure. Ce maire est une ordure, il prend ses clics et ses claques, il quitte la commune, il part en courant avec toute sa famille. Parce que vous avez vu hein, ces mecs, hein, vous avez vu ces lâches, tous ces politiciens-là. Quand ça tombe dans leur nez, quand ça tombe dans leur pavillon personnel, quand ça se passe à 2 mètres de chez eux, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de grandes déclarations, c'est terminé, ils partent en courant. Et moi, je voulais donner un message à tous ceux qui nous écoutent. Vous savez ce qui va se passer en France quand le chaos sera consommé, quand ça sera partout, quand toute cette vermine raciale va nous sauter à la gorge collectivement? Eh bien, tous ceux qui vous auront dit que ça allait bien se passer, tous ceux qui auront contribué à ce désastre, eh bien, ils seront exactement comme ce sale type. Ils foutront le camp avec femmes et enfants, avec leurs valises, ils partiront à l'étranger, ils vous laisseront le nez dans la merde. Avec ceux qui vous ont mis chez eux. C'est comme ça que ça se passera. Vous avez vu le comportement de ce salopard? Il n'a même pas le courage d'assumer sa politique jusqu'au bout. Il n'a même pas le courage de le faire. Le mec, il dit, alors qu'il vit dans la commune depuis 30 années, vous imaginez, depuis 30 ans, il est là, il se l'a coulé douce, comme tu l'as bien dit, Hydromel, en bord de mer. C'était facile, élu de gauche, en bord de mer. Il y a les pins, c'est marqué sur la commune. Il y a les pins, il fait beau, c'est joli, voilà. Ça coûte quoi d'être généreux avec le pognon des autres? Mais tout d'un coup, quand ça commence à chauffer, ces mecs-là, au revoir, merci pour tout. Vous avez vu ces gens? Eh bien, ce mec-là, il n'est pas exceptionnel. Il a l'image de toute cette clique de politiciens républicains. Et j'insiste, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Non, mais ce qu'il faut dire dans l'affaire, en fait, ce qui s'est passé, la succession des événements, c'est qu'il y a le préfet à Nantes ou je ne sais où dans ce coin là-bas qui l'a appelé, qui lui a dit: bon mon cher monsieur, vous savez ce qui se passe si vous acceptez pas d'ouvrir un centre pour migrants? Bon, on vous coupe les vivres, voilà, vous voulez faire je sais pas quoi, vous avez un projet pour construire une piscine municipale ou je ne sais quoi, bah fini, l'État il financera rien puisque c'est l'État central qui ramasse tout le fric et qui ensuite le redistribue aux collectivités locales. Et comme c'est un vieux boomer dégueulasse qui, de toute façon, n'a pas le début d'une colonne vertébrale, il a dit: bon, bah, d'accord, pour ma propre tranquillité, parce que sinon, il aurait eu le préfet au Basque, il aurait eu des pressions à Nantes ou à Paris pour ouvrir son centre pour migrants. Il a dit: bon, bah, d'accord, on va faire ça, et je vais aller expliquer à mes couillons d'administrés que c'est ce qui va se passer, on va ouvrir un centre, et on va installer des nègres, et de toute façon, tout va bien, parce que d'une manière ou d'une autre, lui aussi, il doit toucher ses sous, ils doivent se dire: on va leur verser des sous pour que, aux nègres, on va leur verser de l'argent pour qu'ils se tiennent tranquilles, et donc il a accepté l'ouverture du centre pour migrants. Mais comme la mayonnaise a pris et que les gens n'étaient pas trop d'accord, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur white flight là-bas, je pense qu'il y a... Ouais. Nantes a dû se déverser un peu, les blancs d'un peu de qualité qui pouvaient plus vivre à Nantes sont petits dans des bleds un peu plus loin et qui font le trajet en voiture pour aller au travail ou ils travaillent, ils ont trouvé un autre boulot dans le coin, ils se sont dit: mais non, là c'est pas possible, là, c'est pas possible. Donc ils ont dû s'énerver, ils ont dû signifier au maire, mais on parle de gens tout à fait civilisé dans le sens, c'est, moi je pense pas que c'est la population de Saint-Brévin-les-Pins qui est allée foutre le feu à la maison du maire. Non, ça c'est des fantasmes de gauchistes. La population locale, ça va être des gens qui vont aller voir le maire devant sa maison, ils vont aller lui dire qu'ils sont pas d'accord, ou alors ils vont demander des réunions publiques. Enfin, ce genre de canaux quand même relativement sécurisés, même si verbalement, peut-être que les gens ont commencé à s'emporter. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas que quiconque en France de blanc soit capable de ce genre de violence politique. Pour l'instant, ça va venir, mais il faut encore individuellement, si, mais si tu veux dire une organisation, etc., non. Non, pas une organisation, on va dire, nationale, non. Parce que c'est impossible. Le renseignement français... Cramer 2 voitures plus 1 maison en l'espace d'une nuit, savoir ce que tu fais. Oui, je ne suis pas versé dans ce genre d'acte de vandalisme, mais je pense pas que ce soit à la portée de quelqu'un, du père de famille local. Ah, non, qui non, veut non, pas non, qu'il y ait des Soudanais qui viennent toucher le cul de sa fille, non, non. Honnêtement. Non, non, je te l'accorde, je te l'accorde. Mais pourquoi ils jouent avec le feu? Et c'est le cas de le dire. Pourquoi ils jouent avec le feu? Pourquoi ils essayent d'imposer l'Afrique aux gens? Tu vois, ils sont là, mais on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu comprends pas, quoi? Il faut faire un dessin? Tu comprends pas? Tu vois, c'est au bout d'un moment, arrête de. Enfin, arrête. Ils prennent les gens pour des cons. Ça s'énerve en face, tu vois. C'est... Je pense que leur réaction ajoute en fait au climat, bien. Parce que leurs réactions indignées sont une provocation. Parce que ce que tout le monde attend, c'est qu'ils fassent leur mea culpa en disant on a fait n'importe quoi. Ils feraient baisser immédiatement la température. Et en fait, vous savez, c'est comme les femmes hystériques, quoi. C'est, en fait, tu les prends la main dans le sac en train de faire leur truc. Et elles en font deux fois plus, quoi, tu vois. Et c'est, au bout d'un moment, ça pousse un homme à la rupture nerveuse, quoi. Vous voyez, enfin, je pense que les hommes qui m'écoutent comprennent ce que je veux dire. Et ils n'arrêtent pas, quoi. Enfin bon, voilà. Vous avez compris, mais alors du coup, dans ce climat, défilé des yeux avec Bane, j'ai beaucoup aimé, Captain NR, j'aime bien. Je leur passe le salut. C'est très très bien, formidable les gars. Il faut des jeunes, c'est positif. Saint-Brévin, la démission de ce sac à merde. Et là, Darmanin, donc l'homme de race louche, sans race en fait, plus précisément, qui interdit sous l'œil attendri, je l'ai observé aussi, d'Elisabeth Bornstein, juive, survivante de l'Holocauste, c'est héréditaire comme qualité. Moi, je croyais que c'était déjà de fait le cas, hein, que si t'étais blanc presque. Et de droite, t'avais pas le droit de manifester. Presque, parce qu'il y a quand même les flics qui disaient « Ah non, il faut quand même laisser un peu manifester, on peut pas faire de photos, sinon c'est pas bien. » Maintenant, Jean-Luc Apathy nous a dit que maintenant, c'était possible d'être d'extrême droite. Alors justement, je veux préciser, parce que j'ai vu des commentateurs de droite, et notamment Jean-Yves Le Gallou, et j'ai trouvé que ses réactions n'étaient pas bien senties. J'apprécie Jean-Yves Le Gallou, mais je veux dire, il disait oui, encore une annulation annulée, encore une interdiction de manifester annulée. C'est pas le sujet. Quand Darmanin a annoncé les interdictions de manifester partout sur le territoire, c'était pas dans le but d'interdire effectivement toutes les manifestations. Alors là, on va dire qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Non. Le but du pouvoir et du ministre de l'Intérieur et de Macron, c'est de se défausser sur les juges. Donc, la manifestation, rappelez-vous, enfin, Nunes, l'andalou rouge, a essayé d'interdire la commémoration de Paris Fierté en l'honneur de Sainte-Geneviève, au mois de février. Donc, il a dit, c'est interdit, etc. Bon, bah, Paris Fierté a fait un recours, et le juge a... effectivement reconnu qu'ils avaient le droit de manifester, c'est une interdiction abusive de leur manifestation. Ça, c'était au mois de février. Sur cette base-là, et c'est ce qu'a expliqué l'andalou rouge Nunes, bon, on ne peut pas interdire vraiment les manifestations quand ça nous plaît, faut quand même un certain nombre de critères. Voilà. Ok, donc ils ont dit, a priori, vous pouvez manifester, parce qu'après tout, ça ne fait pas jamais trois décennies que vous le faites, quoi. Sur ce, le Rourvari, les images, etc., ça fait le tour du monde, parce que ça a fait effectivement le tour du monde. Et là, le gouvernement se confond, et dit, oui, bon, d'accord, on les interdit toutes. Mais l'idée, c'est pas, on va vraiment interdire toutes les manifestations nationalistes. C'est de dire, ah, il y a une manifestation qui a eu lieu ? Ah bah, désolé, c'est le juge qui a donné l'autorisation, venez pas nous poser de questions, messieurs les journalistes de Mediapart. Les journalistes du Monde, vous n'aimez pas les images, vous dites, ah bah, il faut aller voir monsieur le juge là-bas, au tribunal de trucs, nous on n'y est pour rien. Ça, c'est un tournant. Parce que, pour la première fois, le gouvernement français n'assume plus sa politique répressive. Avant, il assumait sa répression. Il disait, voilà, j'interdis ça. Et je peux vous dire pourquoi je l'interdis. Parce que, voilà, et là, il fournit toute la série des explications, il y a un risque aussi, cela. Il y a une explication devant le juge. Bon, si c'est autre. Bref. Là, à cause de la manifestation, enfin du défilé en mémoire de Sébastien Desieux, ce qui s'est passé avec les retombées, maintenant le pouvoir, comme Ponce Pilate, pardonnez-moi, s'en lave les mains. Ils ne veulent plus qu'on leur pose de questions sur les retombées des manifestations. Donc ils remettent la patate chaude au juge. C'est pour ça qu'ils font une interdiction uniforme sur tout le territoire français de tout ce qui peut être présumé de droite ou d'extrême droite. Ils s'en foutent de savoir ce que c'est. Le gouvernement français, Darmanin, n'a aucune opinion là-dessus. Il s'en tape. Il dit à ses préfets, si vous avez un truc qui ressemble vaguement à un truc de droite ou d'extrême droite, là, vous m'interdisez ça et laissez les juges se démerder avec ça. Comme ça, si jamais il y a des images qui déplaisent, eh ben, on aura juste qu'à dire aux journalistes, eh ben, vous n'aimez pas ce que vous avez vu ? Eh ben, il faut aller voir Monsieur X au tribunal X. Et ça, c'est une démission incroyable de la part du gouvernement français de la situation dans les rues de France. Moi, je n'ai pas souvenir de quelque chose comme ça. Donc, évidemment, les nationalistes vont dire c'est une interdiction, entre guillemets, discriminatoire, enfin, ciblée vraiment contre la droite. Mais d'abord et avant tout, c'est une démission. Mais alors, le truc qui est le plus fascinant et qui est le plus révélateur, c'est qu'on sort de mois et de mois de violences de rue de l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'avec les manifestations sur les Black Blocs, Darmanin a arrêté de pleurer. Les Black Blocs, les énergies. Évidemment, ils s'en servaient pour essayer de donner une mauvaise image aux manifestations, pour essayer de pourrir l'image de l'opposition. On connaît le jeu depuis les Gilets jaunes de ce gouvernement et de Macron. Hein, c'est le cynisme, on connaît leurs pratiques. Mais au-delà de ça, je veux dire, il était là à Sainte-Soline, « Oh, il y a des flics qui ont été blessés !» Il n'en a rien à foutre de savoir ce qui arrive aux policiers ou aux gendarmes sur le terrain, il s'en fout. C'est des larmes de crocodile, ça. Il n'a rien fait. Il a la liste, croyez-moi bien, de tous les activistes d'extrême-gauche en France. Dans le détail. Ils savent exactement, même avec les nanas avec qui elle y couche, etc. Ils savent tout. Bah, c'est sûr que surtout qu'il leur verse un salaire pour un certain pour certains, nombre d'entre eux. Oui, je pense très fort à la Horde, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Aux Antifa de la Horde. Je pense très fort à eux. Ouais, dirigé par un juif polonais. C'est curieux. Ah oui. Qui n'aime pas montrer son visage. Oh, pourquoi être timide, franchement, hein. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est donc la démission du gouvernement français face en fait à la gauche, hein, au hurlement, hein, il capitule. Darmanin, c'est fascinant, je ne sais pas comment il est ministre encore. Parce que. On a eu le SAD de France, on a eu l'affaire Lola avec les OQTF, il sait pas, il est au courant de rien. Enfin, c'est catastrophe sur catastrophe avec Darmanin, tu vois. Et c'est marrant, c'est parce que plus il en commet, plus t'as l'impression qu'il monte en estime auprès de Macron et de sa bande. C'est absolument extraordinaire. Et là, bah là, il sait plus. Il dit, il y a peut-être des, je sais pas s'il y a des manifestations. Il faut aller demander au magistrat. Hein. Oh là, ma pauvre dame, moi. Moi, je viens le matin au bureau, mais j'en sais pas davantage. Hein. Je suis comme vous. Hein. Il est comme ça, Darmanin, tu vois. Et comment dirais-je voilà. Et il te fait ça, il te fait ce cirque-là, alors que l'extrême-gauche a carte blanche pour tout péter dans les rues. Ils cassent les magasins, ils agressent les gens, ils brûlent les flics. Ils ont brûlé vif un flic avec des cocktails Molotov. Je veux dire, c'est hallucinant. Imaginez un nationaliste français qui brûlerait un flic avec un Molotov. C'est pas dans notre culture, mais je veux dire, pour les besoins de la démonstration. Mais putain, mais je veux dire, mais ce qu'on se mangerait sur le coin de la gueule, je veux dire. Vous avez vu ? D'ailleurs, en fait, la preuve en est, c'est qu'il y a eu un défilé pacifique, bien ordonné, il n'y a pas eu une vitrine pétée. Il n'y en a jamais avec les nationalistes. Bon, voilà, ça s'est passé, ils hurlent tous. Vous avez vu ce qui se passe ? On interdit toutes les manifestations. Les autres, ils cassent tout, etc. Il se passe rien. Voilà. Tout est résumé là-dedans. Voilà cette République qu'on se tape depuis 1944-45, provisoire, et ensuite la quatrième, et la cinquième, et jusqu'à perpétuité, jusqu'à la vingtième, je sais pas. Mais voilà ce qu'on a. Et bon, et Marine Le Pen, alors ça m'a aussi effrayé. Marine Le Pen, elle a rien trouvé de mieux de dire, mais je... Elle commet un communiqué. Ça fait des mois que je demande une intervention brutale, enfin pas brutale, elle dit, mais énergique contre les groupuscules. Bon, ouais, Marine Le Pen, comment marquer des buts contre des gens bien intentionnés de son... Bon, voilà. Vous imaginez, avec tout ce qui se passe en France, si on avait un leader intelligent ? Vous imaginez ? Bah, il serait en prison, donc de toute façon... tant mieux, hein, comme Adolf Hitler, hein, à Landsberg. Ça mène souvent au pouvoir, la prison. Hein. Attention. Ouais, hein. Adolf Hitler, ils ont fait l'erreur de le relâcher au bout d'un an et demi, mais. Mais comme Mandela, là, je oui. pense pas que la cinquième. Comme Mandela, elle... comme Mandela. Hein, je veux dire. Ouais. Mais la cinquième, elle garderait un leader charismatique 20 ans, 30 ans. Hein. Au nom des procès de Nuremberg, ils feraient ce qu'ils veulent. Mais là, je vous donne la parole maintenant. Donc c'est vrai que j'étais long, mais. Ils ont même interdit la Jeanne d'Arc, vous avez vu. Bon, un vénérable défilé de plus de 120 ans, qui quand même fait pas trembler les murs de Paris, quand même, soyons sérieux. Non. Non. Interdit. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je note qu'ils ont les extrémistes de gauche leur ont attribué l'étiquette de nazi, alors que c'était des drapeaux, c'était des croix celtiques. Ça n'a... Donc, la subtilité chez les gens de gauche. C'est uniquement le visuel des gens bien ordonnés, propres sur eux. C'est des nazis, tu vois. C'est... Ils sont. Bah, voilà, ils appellent même Macron Hitler. Et donc là. Quand on est arrivé, ça devient compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour bondir sur un. Ce qu'il dit, ça c'était le 8 mai, là, le truc. Il disait oui, vous avez interdit la fresque. Ça, oui, on parle un peu d'autoritarisme, je dévie un peu, mais je reviens un peu en arrière aussi, je rembobine. Parce que j'avais pas parlé de ça, mais à Avignon, vous savez, la fresque où il y avait Attali qui manipulait Macron, qui avait été interdite par le régime en disant que c'était affreux et que les pogroms allaient bientôt surgir. Vous vous en rappelez de ça? Oui. Ouais, voilà. Bon, alors, il y a des petits malins qui en ont refait une avec Macron avec une moustache d'Hitler. Bon, moi, ça me paraît grotesque de comparer Macron à Hitler pour des raisons bien évidentes, parce que Adolf Hitler était, lui, un grand homme. Puis bon, dont la place dans l'histoire est tout à fait considérable comparativement à Macron, quoi, soyons sérieux. Mais indépendamment de ça, cette fresque avec Adolf Hitler, avec Emmanuel Macron avec la moustache d'Hitler a aussi été interdite, elle a été effacée. Donc c'est un mur qui est donné à la libre disposition du public à Avignon pour les artistes en herbe qui voudraient s'exprimer. Et en fait, toutes les fresques qu'ils font, qui sont d'ailleurs bien faites au plan plastique, sont systématiquement caviardés par le pouvoir, quoi. Alors, voir Macron chialer en disant « Non, mais dans notre pays, la liberté culturelle est garantie », mais putain, mais fous-toi de ma gueule, quoi. Je veux dire, c'est abusé. Non, c'est quand on touche aux vaches sacrées du régime, on peut, voilà, c'est dès qu'il y a un juif dans l'eau, ça y est, on peut plus rien dire. On est obligé de s'écraser. Dès que c'est Macron, bah c'est pareil. Bon, c'est leur créature, vous me direz. Bah, voilà, bah, c'est tout... Voilà. Donc, juste en passant, hein, Hydromel, comme tu, je prends la balle au bon, mais il fallait que je précise ça aussi, quoi, que les peintres d'Avignon sont brutalement réprimés par le régime macroniste. Ouais, c'est un coup, c'est selon ce que la peinture représente qu'il y a interdiction ou pas. Et on en déduit très rapidement c'est quoi leur valeur, finalement. En fait, c'est selon qui tient le pinceau ou qui est peint. C'est-à-dire que quand tu peins un juif, ça se passe mal. Quand c'est un juif qui tient le pinceau, ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Myriam Kahn et Attali sur la fresque. Tu vois, c'est exactement ça, tu vois. C'est pour ceux qui n'auraient pas compris. Quoi. Enfin, voilà. Mais sur les interdictions à rebours, enfin en masse, etc. Quelque chose d'autre? Vous auriez quelque chose d'autre à dire sur ce pauvre... C'est raccord avec... toute façon, je pense que c'était déjà le cas quand on voit que, par exemple, l'œuvre française dirigée par, il me semble, Yvan Benedetti a été dissolue sans vraiment de raison particulière. Ils ont utilisé, il me semble, l'affaire Méric, mais ça n'avait rien à voir. Non, l'œuvre française n'avait rien à voir. Ouais, ils n'avaient rien à voir, mais ils ont quand même été... Ça a été dans la même vague et ils ont été dissous. Ça, c'est en lien parfait avec ce que la République fait dès qu'on est blanc et qu'on refuse de mourir. Elle attaque tous ceux qui essaieraient une voie un petit peu différente de ce qu'on nous oblige à prendre. C'est pareil pour l'école à la maison, c'est pareil pour des enseignements un peu différents de ce que l'école républicaine, lapsus révélateur, oui. L'école républicaine nous force à ingurgiter. Tu peux dire donc la synagogue aussi, hein, c'est pas interdit. Oui, la synagogue. Et donc en fin de compte, je crois que il y a rien de nouveau. C'était déjà une quasi interdiction de fait, mais ils durcissent simplement. Ils étendent de plus en plus le champ de ce qui n'est pas autorisé. Mais en fait, en République française, tout est interdit sauf ce que les Juifs autorisent. Donc, c'était déjà une interdiction de fait. Enfin, moi, ça m'a surpris qu'ils disent ça à voix haute, alors que je pense que c'est déjà appliqué à voix basse depuis très longtemps. Oui, voilà, ce qui t'a surpris, c'est la revendication, en fait. C'est ça qui t'a. Oui. Oui. Bah, en fait, la LICRA a annoncé la couleur. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on prend date. Parce qu'en fait, Núñez a communiqué, donc préfet de police de Paris, ça c'est extraordinaire, donc un espagnol rouge encore, à la tête de la préfecture de police de Paris. Donc un état dans l'état, la préfecture de police de Paris, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc l'espagnol, c'est un gang rouge métèque qui contrôle la préfecture de police de Paris, ok, c'est pas des Français. Les Français ne contrôlent pas la préfecture de police de Paris, d'accord? Les Français ne contrôlent pas leur pays, en fait, messieurs les Français, vous ne contrôlez pas votre pays, c'est des métèques. C'est des métèques, ça vient de partout, mais ça vient pas de France, jamais. Vous voyez, c'est ça la réalité de la France. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.